ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحييكم جميعا، أحييكم الله جميعا في درسنا اليوم إن شاء الله تعالى مع صحيح الجامع الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ونحن اليوم بإذن الله تعالى الخامس من ذي الحجة 1427، الخامس من ذي الحجة 1427 هجري، صادق le 25 ديسمبر 2006 بإذن عز وجل، صادق بإذن الله le 16e cours، le 16e cours بإذن سبحانه وتعالى. J'oublierai pas d'ouvrir une petite parenthèse. Je demanderai à la sœur Muslima qui m'avait aidé combien de fois, barakallahu fiha, le résumé des doros, d'essayer de faire une dernière chose, c'est de me résumer, inshallah ta'ala, les deux derniers doros. Pas celui vendredi passé, sur l'aqida. Les deux autres qui manquent, inshallah ta'ala, pour, je pense, le 14e. 15e, le 14e et 15e, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle se repose bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Comme d'habitude, on révise un peu, deux, trois hadiths. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, on commence par le nouveau hadith. Le dernier, ou l'un des trois derniers hadiths, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: Inna a'zam dhunubi 'indallah rajulun tazawwaja imra'atan فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cité les trois personnes qui allaient avoir un grand châtiment يوم القيامة, ou bien parmi les grands châtiments. Il avait cité le premier, c'était quelqu'un qui s'est marié avec une femme, ensuite il s'est sauvé avec sa dot. Ça veut dire, il s'est sauvé, il lui a même pas donné sa dot. Dès qu'il a eu d'elle ce qu'il voulait, il s'est sauvé. Celui-là, c'est l'un des grands, des personnes qui vont avoir le grand châtiment Yom Al-Qiyama. On a parlé de ceux qui se mariaient avec cette intention. Il y a beaucoup de gens, mal-asif, qui se marient avec cette intention. Cette intention, Cheikh Ibn Taymiyyah Allah yarhamou a dit, c'est haram. C'est haram, quelqu'un qui se marie, il dit, je me marie juste pour 3-4 mois ou là, et je vais divorcer. Il a dit, ou là, je me marie tant que je suis en France. Quand je décide d'aller vers mon pays, je divorce. Ibn Rutaymin Lahmo a dit, ça c'est haram. Et bien sûr, les Shia, c'est pas la fin de parler d'eux. Qu'est-ce qu'ils font, yani, des sœurs aux États-Unis, en Angleterre, la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Ce qu'il a dit, la deuxième personne, warajulun. Naam, warajulun istamal rajulan fa dhahaba bi ujratihi. Quelqu'un qui a employé un autre, ensuite, quand c'est venu l'heure de lui donner l'argent yani, qu'il devait, il ne lui a pas donné. Il ne lui a pas donné. Non, il ne lui a pas donné. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith sahih, il dit: A'tul ajira ajrahu qabla an yadjifa araqu. Cheikh Al-Albani a dit hadith hasan, c'est un bon hadith. A'tul ajira ajrahu قبل أن يجف عرقه. Donnez à l'employé, celui que vous voulez, donnez-lui ce qu'il vous doit, ce que vous lui devez, yani, son salaire, pour avoir travaillé. Il a dit avant que sa sueur ne sèche. Subhanallah. Avant, c'est pas quand sa sueur se sèche, ensuite il lui dit reviens demain, inshallah la semaine prochaine, inshallah dans un mois, attends-moi un peu, dans deux mois et comme ça. Le prophète a dit, tu lui donnes avant que sa sueur ne sèche. Naam. Et comparer entre ce que font les gens et le hadith que vous connaissez tous, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'on l'a dit plusieurs fois, qui est dans le Bukhari. Les trois personnes qui sont rentrées dans la caverne et le rocher qui les a, leur a fermé la sortie. L'un des trois, qu'est-ce qu'il avait fait quand il a fait le doua? Ils ont dit, on va faire le doua. Le troisième, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Allah, tu sais que j'avais employé une personne pour que je lui donne comme salaire, yani du blé, etc. Du blé, de l'orge, etc. Il a dit, quand il a terminé le travail, j'ai voulu lui donner, il a dit non, ça c'est peu. Yani il a dit non, je prends pas moi ça. Il est parti et il m'a laissé ces choses. Il m'a laissé ces choses qui sont à lui, bien sûr. Il a dit, ensuite moi, j'ai vendu cette orge, etc. Ensuite, j'ai acheté des bœufs et des vaches et des moutons. Ensuite, je les ai accouplés. Ensuite, ça a donné d'autres, jusqu'à ce que ça soit devenu un grand troupeau. Ensuite, il a dit, une fois il est venu, il a dit, j'ai changé d'avis. Rends-moi ce que tu m'as donné une fois, c'est-à-dire le blé, etc. Il savait pas qu'a fait le propriétaire. Le propriétaire lui a dit, tu vois ce qu'il y a en face de toi, toutes les vaches, tous les bœufs, tous les chevaux, etc., sont à toi. Il a dit, tu plaisantes ou là, tu parles sérieusement? Il a dit, non, c'est à toi. Il a dit, il a tout pris et il est parti. Il a pris et il est parti. Normalement, au moins, il lui laisse quelque chose. Il n'était pas obligé qu'il lui vende et qu'il fasse tout ce travail pour lui. Al-Muhim, il a dit à Allah, si tu sais que j'ai fait cela en ton visage, fais-nous une ici. Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés, ils sont sortis bi'idnillah de leur caverne. Al-Muhim, regardez celui-là, qu'est-ce qu'il a fait. Il n'a pas dit, là c'est trop tard. Il m'a dit, je ne prends pas, qu'il ne prenne pas. Allez, je vais, s'il ne veut pas prendre, il ne prend pas. Non, celui-là, il a géré ses biens, les biens de cette personne, les biens de cet employé, jusqu'à ce que ce soit devenu ce dont je vous ai raconté, et après il lui a tout donné. Al-Muhim. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait dit aussi que il avait dit, inna aqwam bil madinati khalfana ma salakna shi'ban wala wadiyan illa hum ma'ana habasahum al-'udhr. Il a parlé de certains gens qui n'étaient pas partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au jihad, mais il a dit, ils sont avec nous. Avec nous, avec quoi? À dire avec le Ajr. Ils ont le même Ajr que nous. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas pu venir à cause des excuses. Quand quelqu'un est excusé, il est excusé. Mais ce qui est grave, c'est quand tu peux partir et tu ne pars pas. Tu peux partir au djihad, et si le djihad, et les ulama ont dit que le djihad, c'est pas X qui va me dire si le djihad, le mécanicien et le boulanger. Le boulanger et le boucher, il va me dire c'est le djihad. C'est pas lui qui me dit. C'est des grands ulama qui me disent c'est le djihad. Naam. Et maintenant, il faut partir au djihad et je pars pas. Dans ce cas, c'est grave, bien sûr. Mais quand je ne pars pas, parce que je n'ai pas d'argent pour y aller, parce que je n'ai pas d'armes, parce que je suis malade, dans toutes ces choses-là, je suis excusé. Donc, tous ceux qui étaient excusés ne sont pas partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux-là ils sont avec nous. Quand on marche, ils sont avec nous. On traverse une rivière, ils sont avec nous. Pourquoi? Parce que habasahum al-'udhr. Parce que c'est à cause d'excuses qu'ils ne sont pas venus. Naam. D'ailleurs, c'est même cité dans le Coran, il y a un verset. Si je me rappelle, la hawla wa la quwwata illa billah. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa la 'ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum تفيض من الدمع ألا يجدوا ما نعم ألا يجدوا يبلي لفن الجوارسي نعم الله سبحانه وتعالى دي donc ils n'ont pas ceux qui quand ils veulent partir au djihad ils te disent donne-moi يعني est-ce que tu as quelque l'animal autrefois ils faisaient le djihad sur un animal ici il fallait un chameau il fallait ne pas aller à pied des fois c'est très loin. Quand ils demandaient au prophète, des fois ils disaient, je n'ai pas de chameau, je n'ai pas de monture. Alors, le verset a dit, il revenait vers eux en pleurant. Naam, en pleurant. Donc, le pleur ici, c'est un délire que vraiment il voulait partir. Sinon, il aurait dit, alhamdoulilah, il n'y a pas de monture, alhamdoulilah. Mais celui-là, il veut pleurer. Bien au contraire, il pleure, il pleure. Il a dit, voilà, un délire que vraiment il voulait partir. كما قال سبحانه ولا الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم تولوا وأعينهم تفيض من دمع حزنا ألا يجدوا سبحان الله العظيم j'ai pas trouvé le fin de ce verset, j'ai pas trouvé le fin de لا يجدوا سبحان ما ينفقون. Une seconde, je vais chercher ce verset بإذن الله. نعم, الله سبحانه وتعالى a dit ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه, je n'ai pas de monture, je n'ai pas pour que vous partiez avec moi. Et wallah, ils sont revenus, et les yeux qui coulent de larmes, les larmes qui coulent de leurs yeux, et pourquoi de chagrin qu'ils ne trouvent pas de quoi faire l'aumône. Donc le pleur ici, c'est un dalil qu'ils étaient sincères, car les ulama ont dit le pleur n'est pas toujours un dalil que c'est sincère. Car les frères de Youssef a.s. l'ont jeté dans le puits et ils sont venus le soir en train de pleurer. Donc quand on pleure, ce n'est pas toujours un délit que c'est vrai qu'on est sincère. Des fois, on pleure et on n'est pas sincère. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des signes qui montrent que cette personne est sincère quand elle a pleuré. Ou là, comme on dit les larmes de crocodile. On dit que cette personne, son pleur, c'est les larmes de crocodile. Pourquoi ? Ils disent parce que le crocodile, quand il mange sa victime, il commence à pleurer. Naam, il mange la victime, il la termine, ensuite il commence quoi? Il a des larmes aux yeux. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam, et j'avais parlé de quelque chose de très important, j'avais dit que l'intention jouait un très grand rôle. L'intention, ceux-là, ils sont restés chez eux, mais avec l'intention, ils ont écrit chez Allah subhanahu wa ta'ala que ce sont des mujahideen. Avec quoi? Avec leur intention. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw mata ala shu'batin min nifaq. Il a dit quiconque mourra sans avoir fait le jihad ou sans s'être parlé dans son cœur. Et on se parle dans le cœur, on fait l'intention. Il a dit si quelqu'un ne fait ni cette chose ni la deuxième chose, s'il meurt il meurt dans un sentier où là un rameau de d'hypocrisie. Il a un rameau, cette personne a un rameau d'hypocrisie. Pourquoi? Parce que ou bien tu fais le djihad, ou bien il n'y a pas le djihad, et tu as l'intention dans ton cœur. Tu dis si jamais il y avait, Inch'Allah je serai dans le premier rang. Inch'Allah je serai avec eux. Il faut toujours te dire cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque meurt et n'a pas fait le djihad ou ne l'a pas fait au moins l'intention, il a dit celui-là s'il meurt, il meurt la hawla wa la quwwata illa billah ala shu'ba min nifaq. Il a de l'hypocrisie. Et j'avais aussi donné des exemples que des fois avec l'intention on peut avoir beaucoup de hasanat et avec l'intention on peut avoir malheureusement beaucoup de si'at. Naam, comme on peut avoir avec l'intention beaucoup de hajr, avec l'intention seulement, on peut avoir beaucoup de péché. Naam, avec l'intention. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait une règle, laquelle, pour, en ce qui concerne ne pas faire le haram, ne pas faire le péché, ne pas faire l'illicite, ça se divise en quatre. Ça se divise en quatre, yani quatre cas. Les 4 cas, je les ai donnés la fois passée, on est toujours dans la révision. C'est une règle, il faut bien l'apprendre. Les 4 cas. Premièrement, des fois, la chose illicite ne me vient même pas à l'esprit. Et je ne la fais pas. On va parler des 4 cas où on ne fait pas le haram. Quand est-ce qu'on a un hajj, quand est-ce qu'on a un péché, quand est-ce qu'on n'a rien. Des fois, le péché ne me vient même pas en mon esprit. Et puisqu'il ne m'est pas venu en mon esprit, ça, je ne l'ai pas fait. Maintenant, quand je suis assis avec vous, je ne suis pas en train de boire de l'alcool. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de penser à l'alcool. Cette idée n'est même pas venue en ma tête. Et je ne suis pas en train de boire de l'alcool, mais en même temps, je n'ai pas de ajr. Je n'ai pas de ajr. Pourquoi? Parce que pour avoir le ajr, il faut que je me dise dans ma tête, il y a l'alcool, etc. Mais moi, je ne vais pas le boire à cause d'Allah. Dans ce cas, il me donne un ajr. Mais si l'idée ne me passe même pas par la tête, tu peux pas avoir un ajr. Maintenant, quand je suis assis, je fais pas, je bois pas l'alcool, je fume pas la drogue, je fais pas la zina, tout ça, je suis pas en train de le faire, mais je n'ai pas ajr. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, ça n'est pas passé par la tête. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quand quelqu'un, il veut faire le haram, ensuite, il le fait pas parce qu'il ne peut pas. Il ne fait pas parce qu'il ne peut pas. Je donne un exemple. Dans le hadith, la personne qui avait dit, elle avait dit, si j'avais de l'argent comme l'autre personne qui est riche, j'aurais fait ceci et cela de haram. Parce que la personne qui l'a souhaité avoir de l'argent comme elle, c'était une personne qui faisait avec son argent le haram. Alors quelqu'un a dit, si j'avais comme cette personne, j'aurais fait ceci et cela. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire qu'il a des péchés. Pourtant, il n'a pas fait la chose, mais il l'a faite avec l'intention. Il l'a faite, il ne l'a pas faite. Pourquoi? Il ne l'a pas faite parce qu'il ne pouvait pas, il n'a pas, c'est un pauvre. Mais il a dit, si j'avais de l'argent, j'aurais fait comme X. J'aurais été du matin au soir dans les dancing et les bars et les femmes et ceci, cela. Si j'avais. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire comme s'il avait et comme s'il avait fait. Mais son péché, c'est seulement au niveau de quoi? C'est seulement au niveau de l'intention. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait, il n'a pas fait la chose, mais il l'a fait avec l'intention. Ensuite, il y a le troisième cas, celui qui ne fait pas aussi la chose, mais il essaie et il n'arrive pas. Et la différence entre ce cas, le troisième et le second, celui qui est avant lui, il a seulement l'intention, mais il n'a pas pris, il n'a pas essayé, parce qu'il ne peut pas, il n'a pas d'argent le deuxième. Mais le troisième, il va essayer de faire et il n'arrive pas à la fin. C'est comme quelqu'un qui dit, demain par exemple, je vais boire de l'alcool. Ensuite, il va où on achète l'alcool, il trouve que c'est fermé. Il revient à la maison. Celui-là, il a pris des causes. Il a marché dans la rue, il est arrivé chez dans le bar. Je ne sais pas où il l'a trouvé fermé. Celui-là, c'est plus grave que le deuxième. Le deuxième, il a seulement dit. Il a dit, je ferai si j'avais. Mais celui-là, il est allé. Il a marché, il est arrivé au bar pour acheter, ou là à la banque pour la voler, là à l'appartement où il y avait une femme qui l'attendait. Ensuite, il a trouvé que la femme n'était pas là, la banque était fermée, le bar était fermé. Celui-là est revenu, mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, c'est comme s'il avait fait la chose. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attaqa al-musliman bi sayfihima, al-qatilu al-maqtul fi an-nar. Si les deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, le tueur et le tué iront en enfer. On a dit à Allah le tueur, d'accord, parce qu'il a tué. Mais le tué, pourquoi va-t-il en enfer? Il a dit, ne voulait-il pas tuer son frère? Celui-là aussi, il voulait tuer. Il a essayé, il n'a pas pu. Mais il a été tué. Donc s'il n'a pas été tué, ça aurait été lui qui aurait tué l'autre. Mais puisque l'autre l'a tué, il ne peut pas tuer. Donc celui-là, il est en enfer. Ça, c'est le troisième cas. Et le quatrième cas, c'est celui qui... j'ai dit le premier cas. Ça lui est pas passé de... dans les filles, deuxième cas, avec l'intention, sans prendre les deux causes, le troisième cas, avec l'intention, et il a fait la cause, et le quatrième cas, c'est celui qui ne fait pas le haram à cause d'Allah. Celui-là, il a le ajr. Alors, le seul qui a le ajr, c'est celui qui ne fait pas le haram à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus, j'ai dit que plus il a les tentations de faire le haram et il ne le fait pas, plus son ajr est grand indallah subhanahu wa ta'ala. C'est comme par exemple vous qui êtes en Europe, c'est plein de fitna. Plus vous avez de la patience, plus inshallah le ajr est plus grand indallah subhanahu wa ta'ala. Par exemple en Europe, c'est très très facile, par exemple la zina, c'est très très facile, l'alcool c'est partout, mais le maintenir et se retenir, ça demande des efforts. Ça s'appelle le jihad. Donc le ajr est plus grand que par rapport à quelqu'un par exemple qui est ici au Koweït. le Koweït, il y a l'alcool, c'est interdit, les femmes toutes cachées, tu vois rien. Donc, yani, c'est pas, ça tente pas. Mais là-bas, l'ayadou billah, où vous êtes, c'est très difficile. C'est pour ça que le Hajr, inshallah ta'ala, est beaucoup plus grand que dans un endroit où il n'y a pas de tentation. Et ensuite, là, j'ai cité une règle très importante, et j'avais dit, et le contraire aussi est valable. Naam, avant de parler du contraire, j'avais donné l'exemple plus les tentations sont grandes, plus on se retient, on a Hajr. J'avais donné le cas de qui? Le cas de Youssouf alayhi salam, alayhi wa nabiyina sallallahu alayhi salam. J'avais dit, regardez les tentations qui sont venues du côté de Youssouf alayhi salam. J'avais dit qu'il était jeune, et un jeune, il veut faire les trucs, les péchés, il est jeune. Il se dit après, Inch'Allah, je fais tauba. Il était jeune. Ensuite, on a dit, il était beau. Il était très beau même. Quelqu'un qui est très beau, c'est difficile pour qu'il se retienne. Il dit, moi je suis beau, je profite de la vie, après on va voir. Après je vais faire un hajj et je me lave les os là-bas et je reviens. Ensuite, il n'était pas dans son pays. Quand quelqu'un n'est pas dans son pays, personne ne le connaît. Dans son pays, la honte des gens, tout le monde le connaît. On va dire à ses parents, on va dire à ses voisins, on va dire à ses enfants. Mais quelqu'un qui est dans la urba, personne ne le connaît. Ensuite, c'est la femme qui a demandé. C'est pas lui qui a couru vers la femme, c'est elle, Zuhra, qui a demandé de lui. Et c'est elle qui avait pris, yani, elle s'était bien préparée, habillée, bien embellie, elle s'était habillée de quelque chose de très, yani, transparent. Ensuite, elle a fermé toutes les portes. Ensuite, Rawadetou, ce n'est pas lui à demander seulement. Yani, elle a insisté. Rawadetou, la tihua fi beitia. Insisté. Yani, avec insistance. C'est très difficile de quelqu'un puisse se retenir comme ça dans un cas pareil. Seul dans une chambre avec une femme fermée à clé, avec la façon dont elle est venue, de l'habillement, etc. Ensuite, elle insiste. Ensuite, alayhi salatu wasalam, il dit, ma'ada. Et ensuite, elle lui dit, tu vas aller en prison si tu ne fais pas. Na'am. Tu haddibu bis-sijn. Ensuite, il ne fait pas. Qul ma'adallah, ma'adallah, innahu rabbi. Regardez toutes ces tentations et il n'a pas fait. Voilà. Qui prouve quoi? Voilà ce qui prouve la sincérité. Voilà ce qui prouve la sincérité. Quand une femme de 75 ans demande à un homme ou à un jeune, il dit non, j'ai pas envie, c'est pas une preuve que tu es sincère. Tu es sincère quand la femme a 20 ans, c'est pas 75 ans. Elle a 20, elle est très belle, et c'est elle qui demande, tu dis non, mais Allah, j'ai peur d'Allah, moi j'ai pour l'Aïn qui m'attend demain. J'ai les femmes du paradis, c'est pas avec une saleté que je vais me remplir de péché et je vais courroucer Allah subhanahu wa ta'ala avec une saleté et pour quelque chose qui dure 3 ou 4 minutes. Et ensuite, je vais tout regretter et bien sûr, quiconque fait une fois, il va faire 10 fois. Il n'y a pas de différence entre une fois et 100 fois aussi. Celui qui brise le mur de piété et la pudeur qu'il y a entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, khalas. Il va ne plus avoir peur. Il a dit, comme j'ai fait une fois, allez, je fais 10 fois, 30 fois, quelle est la différence? J'ai cassé le mur. Après, Inch'Allah, je vais au Hajj et je lave mes os là-bas et je reviens. Comme ça, il va compter. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'afiyah. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, parmi les 7 que Allah, azza wa jalla, mettra dans l'ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre, il a dit qui? Il a dit, wa rajulun. Parmi les 7, un homme qu'une femme l'a incité pour faire le péché, et une femme belle, et qui a mansab, la fille de X, ou bien elle a elle-même un poste, un grand poste, et il lui dit non. Les ulama ont dit la même chose pour la femme. Si c'est l'homme qui l'incite à faire, et l'homme il est beau, il a de l'argent, il a un poste, il est le fils de X, et elle dit non, je ne sais pas. Celle-là, Allah subhanahu wa ta'ala la mettra dans son ombre, le jour où il n'y a d'ombre que son ombre, subhanahu azza wa jal. Maintenant, le hadith d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, déjà la révision a duré presque une demi-heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna l'islam abda'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatouba il ghuraba. Hadith sahih numéro 1580. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna l'islam a bada'a ghariban. L'islam a commencé يعني غريب غريب vous savez que ça veut dire غريب يعني avec peu de gens 3-4 ils étaient 3-4 au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Mecque ensuite 6-7 ensuite 10-20-30-40 et combat jusqu'à ce que on soit devenu un milliard ou plus et pas bien sûr dans le milliard on a des millions et des millions qui sont comme de l'écume seulement comme de l'écume et quelqu'un qui n'a pas d'aqida ou bien qui a une fausse aqida c'est de l'écume hein, une petite épine et il part de l'autre côté une petite épine qui le pique alors, il va de l'autre côté pourquoi il n'a ni aqida ni rien ceux-là il y en a des millions d'musulmans pareils mais c'est vrai comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala inna ibrahima kana ummatan Ibrahim c'est un seul Allah il a dit c'était une nation kana ummatan pourquoi parce que un seul mais c'était Sheikhul Muwahidin c'était le père du tawhid et des muwahidin un seul c'est une nation yani عند Allah subhanahu wa ta'ala donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam a commencé comme ça gharib seulement avec 2, 3, 4 وسيعود غريبا كما بدا et il deviendra entre parenthèses malheureusement il viendra le jour où il reviendra comme ça seulement 3 ou 4 نعم et ensuite vous savez qu'il va y avoir un jour où on ne dira plus sur la terre Allah Allah la religion est venue étrange et redeviendra étrange نعم بارك il viendra le jour où يعني on ne dira plus Allah Allah مع الأسف ensuite moi je demanderai à quelqu'un ou à quelqu'une معليش qui a sahih al-jama je lui demanderai de me traduire certains hadiths يعني avant de faire le dars une sœur ou un frère يعني on fait un accord entre lui et moi ou lui et elle ensuite je lui dis voir les hadiths que j'ai la semaine prochaine elle les prépare traduit c'est pas leur sens pardon, c'est pas Sharh l'explication, seulement le hadith. Comme par exemple ce hadith, Bada l'islam ghariban, l'islam est venu étrange, par exemple. Comme ça, moi quand je le dis en arabe, le frère ou la sœur l'affiche sur l'écran en français, c'est mieux. Yani au moins, vous lisez le hadith en français devant vous. Alors moi je le traduis à peu près de yani, mes connaissances. J'ai pas quelque chose qui traduit comme ça devant vous. Il a dit, Fatouba lil ghuraba. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il va venir un jour où l'islam va redevenir comme il était. Bien sûr, avant cela, entre parenthèses, avant cela, l'islam va rentrer d'après un hadith sahih dans toutes les maisons du monde. L'islam va se propager à un point où il va rentrer dans toutes les maisons. Ensuite, quand yani, on ne sera pas loin de la fin du monde, il va commencer à yani, devenir gharib. Gharib, il va jusqu'à ce qu'il n'y ait personne qui dise la ilaha illallah. Et là-bas, quand on arrive à cette période, ou l'ayyadu billah, personne ne demande yani, qu'il vive pendant cette période. Là-bas, c'est la fin du monde. Quand c'est la fin du monde, là où il veut mettre fin à ce monde, il mettra sa fin sur ces hommes qui ne disent plus la ilaha illallah. Il veut les châtier, khlas. Ils sont devenus, ils adorent les statues, etc. comme au premier temps. Ensuite, ce sera la fin du monde. Dans un autre hadith, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, c'est qui cela, le ghuraba? Il a dit, unasun salihun. Parce qu'il dit, touba lil ghuraba. Attention, il a dit, touba lil ghuraba. Il a dit, quand l'islam va vers la fin du monde devenir seulement yani, quelques personnes, il a dit Touba, yani, masha'Allah pour ces personnes qui yani, vont tenir le coup, vont tenir, masha'Allah. On dit Touba, c'est un grand arbre dans le paradis. Pour le traverser, pour traverser son ombre, il faut 100 ans. 100 ans pour traverser l'ombre de cet arbre. 100 ans, non pas à pied, mais par exemple en fuyant. Yani, et tu dois rester 100 ans pour traverser cet arbre. Il a dit Touba, lil ghuraba. Ensuite, dans un hadith, quand on lui a demandé qui c'est le ghuraba, il a dit Unasun salihun. C'est le ghuraba, c'est qui? C'est Unasun salihun. C'est des gens, yani pieux, salihun, fi Unasin su, qui vivent avec des gens, yani qui sont loin du din, ça, des gens, yani mal, yani sou, les gens sous. Il a dit من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. Ceux qui ne leur obéissent pas sont beaucoup plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Non, des fois tu vis dans des endroits, même comme a dit Ibn Qayyim, même en notre temps maintenant, il y a la ghurba, il y a la ghurba de l'islam. L'islam il est un peu gharib. Non, tu vis avec des gens, des kuffars, tu es gharib, on te montre du doigt. Regarde celui-là comment il est habillé, regarde ceci, tu es devenu gharib pour certains gens. Des fois entre les musulmans tu es gharib, entre ton père et ta mère qui sont musulmans tu es gharib. Ils disent subhanallah, c'est quoi ce din là, c'est un nouveau din ça, vous êtes venu avec un nouveau din, on n'a jamais vu ça chez nos grands-pères ça. Donc on est pour eux, on est gharib. Naam, l'islam est gharib. Alors même des fois avec des gens yani, qui sont pieux etc, et tu te sens gharib quand tu es toi sur le vrai minhaj avec la vraie aqida, tu es avec d'autres musulmans qui sont mélangés, qui sont yani kharbata comme on dit, ceux-là tu te sens gharib parmi eux. Ils sont tous musulmans, tous on dit Coran et Sunna, mais le minhaj yani il te rend gharib quand tu vis avec des gens qui sont loin du minhaj et qui sont loin de la aqida sahiha. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. Naam, et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multiplié en grand nombre. Naam, parce que au début vous étiez très nombreux les musulmans, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala leur a multiplié leur nombre. Naam, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, le hadith 1591 qui est sahih, il a dit إن البركة تنزل في وسط الطعام فكل من حافاته ولا تأكل من وسطه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend quand on mange, nous apprend quelque chose quand on mange, car vous savez que l'islam, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ما فرطنا في الكتاب من شيء. Il a dit dans ce Coran on n'a rien laissé sans l'expliquer ou la sans montrer. Ça veut dire que Allah qui a créé l'être humain lui a tout montré comment qu'il vive jusqu'à ce qu'il meure. Avec les moindres détails, ça existe. Ou bien dans le Coran, ou bien dans le Hadith. Naam. Ou bien dans le Coran, ou bien dans le Hadith. Il y a toujours, yani, la chose elle est montrée, ou bien clairement, ou bien par déduction. Yani, stimbat, par stimbat. Ou bien elle est, comme ça, yani, notée clairement. Maintenant, il nous parle de j'ai dit quelque chose qui a rapport avec le manger, et il nous a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tout. Qu'est-ce qu'on dit quand on mange, comment on fait, avec quelle main on mange, qu'est-ce qu'on fait quand on s'habille, qu'est-ce qu'on dit quand on enlève les habits, quand on sort, quand on rentre, quand on va aux toilettes, quand on rentre à la mosquée, quand on est avec nos enfants, quand on est avec nos femmes, quand on veut voyager, quand on revient du voyage, qu'est-ce qu'on dit quand on voit quelque chose qui nous plaît, qu'est-ce qu'on dit si elle nous plaît pas, qu'est-ce qu'on dit. On a une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on dit? On n'a pas une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on dit? Comment qu'on dort? Comment qu'on se lève? Qu'est-ce qu'on dit avant de dormir? Qu'est-ce qu'on dit quand on se lève? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Plus tu connais ces choses, plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vis, comment dirais-je? Il n'y a pas une chose que tu fais de ta tête. Naam. C'est pour ça que certains ulama ont dit, si tu peux, avant de te gratter la tête, cherche un délil, cherche et gratte. Cherche d'abord le délil et gratte. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est global. L'islam, c'est pas comme quoi les gens, tu rentres à la mosquée, tu termines ta salat, tu dis salamu alaykum, et tu sors, tu es libre, tu fais ce que tu veux. L'islam, c'est pas comme disent les chrétiens, ou là, je sais pas si je crois que ce sont eux qui disent, on donne à César, on donne à César ce qui est à César, et je ne sais pas à qui on donne. Ils disent l'islam, César lui-même a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, César lui-même a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. En islam, tout est de Allah subhanahu wa ta'ala, tout vient de lui, tout doit aller à lui. Il n'y a pas on donne cette chose à X et l'autre à Allah. Naam, on donne je crois qu'ils disent on donne à Dieu ce qui est à Dieu, on donne à César ce qui est à César, à peu près comme ça. Nous on dit non, Ils ont lui-même été créés par Allah. On donne tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, je reviens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il a dit, quand vous mangez, la bénédiction, le baraka, si vous savez c'est quoi le baraka, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend la baraka dans ton manger ou là dans ton argent, avec peu de choses, peu de manger, tu dis alhamdoulilah, j'ai plus faim. Avec peu d'argent, tu deviens plus riche. Ton argent ne se termine pas et achète beaucoup de choses. Pourquoi ? Il y a la baraka dans ton argent. Celui qui n'a pas la baraka fait rentrer des millions. Ensuite, il dit, subhanallah, je ne trouve plus mon argent. Il essaie de compter, il ne sait pas où est parti l'argent. Il dit, subhanallah, c'est comme s'il a été brûlé. Non, il n'y a pas la bénédiction. C'est comme si mon argent était brûlé. Wallah, il s'est évaporé. Celui qui a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une petite chose, il fait beaucoup de choses. Ici, pour manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous mangez, tu as l'assiette devant toi, il a dit, il descend la bénédiction au milieu du plat. Il a dit, mangez du bord. Quand tu manges, ne va pas au milieu, tu commences à manger. Commence par le bord, celui qui est devant toi, le bord de l'assiette, et tu manges jusqu'à, Inch'Allah, ce que tu arrives au milieu. Parce que si tu vas direct au milieu, tu manges ce qu'il y a, la baraka qui était descendue, tu la tues, là, s'il n'y a plus de baraka, tu l'as mangée, elle est partie. Il faut la laisser, elle grandit jusqu'à ce qu'elle devienne dans toute l'assiette. Et comme à peu près quand on dans un bassin, on jette quelque chose. On voit quoi ? On voit une ronde comme ça d'eau, un cercle d'eau qui commence à grandir, jusqu'à ce que le cercle soit grand comme le bassin. Donc toi, laisse la baraka grandir. Laisse-la, ne va pas manger au milieu. Laisse-la, elle est en train de grandir, jusqu'à ce que elle remplisse toute ton assiette. Et là, Masha'Allah, il sera tout baraka. Mais si tu commences par le milieu, khlas, ensuite, il y aura plus de baraka. Ensuite, tu dis, j'ai toujours faim et mashbach. Et même ce que tu manges, quand il n'y a pas de baraka, en principe, ce qu'on mange, quand il y a la baraka, c'est un médicament, ce que tu manges. Si c'est quelque chose de halal, ici, il a la baraka. Naam. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, il a dit, inna al-jamma'a l'aqtassu min al-qarna'a yawm al-qiyama. Hadith 1597, authentique. Il a dit que le jour du jugement dernier, l'animal qui n'avait pas de corne, il demandera ses droits et Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra à cet animal de cogner, de frapper avec la tête un animal cornu. L'animal cornu qui dans cette vie l'avait frappé. Mais quand il y a, supposons deux moutons, l'un qui est cornu, l'autre qui n'a pas de corne. Le cornu est beaucoup plus dangereux que l'autre. Même celui qui n'a pas de corne, il a peur de celui qui a des cornes. Donc, quand le cornu, l'animal ici, frappe l'animal qui n'est pas cornu, Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyama, il les fera venir les deux. Et il dira, celui qui n'a pas de corne, commence-toi, c'est ton tour maintenant. Tu frappes cet animal qui t'a frappé avec ses cornes. Les ulama ont dit, subhanallah al-azim, Si les animaux qui ne sont pas ahl taklif, les animaux, ils n'ont ni haram ni halal. L'animal, il trouve une bassine pleine de vin, il la boit, il n'a pas fait haram. Ça, il n'a ni halal ni haram. Ils ont dit ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a, si je puis dire, intaqama li il jamma, il s'est vengé pour la personne, l'animal qui n'avait pas de corne. Alors qu'en est-il pour nous, les hommes, pour nous, les mukallafoun? Deux animaux, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à l'autre, prends ton droit aujourd'hui. Toi tu es un animal et ton droit ne se perd pas, prends-le aujourd'hui. Alors qu'en est-il pour nous, ahl al-taklif? C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Quiconque, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, t'a fait du mal, tu n'as pas pris ton droit ici, dis-toi que si l'animal va prendre son droit le jour du jugement dernier, comment ne prendrai-je pas moi mon droit, moi la meilleure créature que Allah a créée, moi la noble créature. Azzawajal a fait de nous une noble créature, on n'est pas un animal. L'animal, il va lui donner son droit. Qu'en est-il, nous les personnes, alors qu'en est-il pour les croyants? Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, le hadith 1599, c'est un hadith authentique, il a dit: Inna al-hajj wa al-umra la min sabilillah, wa inna umratan fi ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Naam. Il dit: Inna al-hajj wa al-umra la min sabilillah, wa inna umratan fi ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le hajj et la umra, le hajj et la umra, ça rentre dans sabilillah, ça rentre dans fisabilillah. Comment ça rentre dans fisabilillah? Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, quand il parlait de la zakat à qui on la donne, il a dit: Inna al-sadaqat, la zakat, il fuqara ou le masakin ou l'amilina alayha ou l'allafati qulubuhum ou l'riqab ou l'gharimin, ceux qui ont les dettes, on leur donne la zakat. Il a dit: wa fi sabilillah wa ibn sabil faridatan min Allah wallahu alimul hakim. Quand il a dit fi sabilillah, qu'est-ce que ça veut dire fi sabilillah? Certains disent la zakat, tu la donnes fi sabilillah, ça veut dire toute chose qui est en Allah, en le visage d'Allah, tu donnes. Ça veut dire fisabilillah. Et ça, ce n'est pas vrai. Parce que si fisabilillah, ça avait ce sens, il faut qu'à Raoul Masakin, c'est pas fisabilillah. Quand je donne aux fakir, je donne aux miskins, c'est fisabilillah. Et pourquoi Allah a dit: Nama sadaqat il faut qu'à Raoul Masakin? Il aurait dit fisabilillah, là, ça englobe tout. Non, fisabilillah, le prophète Sansum l'a montré ici. Il a dit fisabilillah, quand quelqu'un, par exemple, va partir au Hajj, tu peux lui donner l'argent de la zakat. Quand quelqu'un veut partir à Umrah, tu peux lui donner l'argent de la zakat. Et quand quelqu'un veut faire le djihad aussi, d'après un autre hadith, tu peux lui donner l'argent de la zakat. Donc certains, c'est pas fisabilillah, c'est pas global. Ils veulent construire une mosquée, je leur donne l'argent. Pourquoi? Parce que là, je leur donne la zakat. Pourquoi? Parce que Allah a dit dans le Coran fisabilillah, en parlant de la zakat. On leur dit non. Et si c'est fisabilillah, donc on donne à des milliers de choses fisabilillah. Non, la mosquée, qui est la maison d'Allah, il est interdit de donner la zakat pour la mosquée, et c'est pas valide. Naam, fisabilillah, pour celui qui va au hajj, pour celui qui va à Umrah, pour celui qui fait le djihad. Pour celui qui veut faire le djihad, c'est aussi fisabilillah. Et ça rentre dans le djihad, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yirhamou, ça rentre dans le djihad, djihad al-ilm, djihad talib al-ilm. Quelqu'un qui demande la science, il n'a pas pour acheter des livres, il veut acheter Riyad Salihin, il veut acheter Fath al-Bari, il veut acheter Tafsir Ibn Kathir, on lui donne de la zakat. On lui dit, mais attention, c'est pour les livres de sciences religieuses. Tu ne vas pas nous acheter un livre de physique ou de mathématiques. Je t'ai donné ça, tu es talib al-ilm, pour que tu achètes des livres de science, yani islam. S'il fait comme ça, les ulama ont dit, tu peux lui donner la zakat. Tu peux lui donner la zakat parce que ça rentre dans le djihad. Ça rentre dans le djihad. D'ailleurs, s'il n'y avait pas d'ilm, comment quelqu'un peut faire le djihad? Comment tu vas aller à la guerre sainte s'il n'y a pas d'ilm? Si on ne fait pas des ulama et des talibins, le djihad, tu pars à la guerre sainte, tu ne sais pas, est-ce qu'on peut tuer une femme ou on ne peut pas? On peut tuer les enfants ou on ne peut pas? On peut tuer les prêtres, les curés ou là on ne peut pas? On peut tuer l'aveugle ou on ne peut pas? Tout cela, bien sûr, on ne peut pas les tuer. Sauf dans le cas où ils participent. Ça, d'où tu l'as su? Tu l'as su quand il y avait le ilm, la science. Tu as lu les livres, ce qu'on dit les ulama, et tu l'as su. Donc, le grand djihad, c'est aussi le djihad de la science. Tu sais d'abord, ensuite, tu appliques. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, wa inna umratan fi ramadana ta'dilu hajjatan, dans un autre hadith, hajjatan ma'i. Masha'Allah, quiconque peut partir pendant le ramadan à la umra, il fait une umra pendant le ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait une umra pendant le ramadan, comme s'il était parti avec le Hajj avec moi. La hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. C'est pour ça il est très très difficile que tu puisses faire une Umrah en Ramadan. C'est très difficile, tellement il y a de monde là-bas, et comme nous par exemple ici, c'est interdit de laisser quelqu'un, surtout imam ou là, qu'il aille en plein Ramadan à la Umrah. Naam. Parce que, comme j'ai dit, c'est difficile, tout le monde veut aller à cause de cet ajr. Naam, à cause de cet ajr. Voilà où on doit partir quand on a de l'argent. Les gens veulent aller en vacances, les gens veulent aller au bord de la mer, les gens veulent aller au camping, mais ils laissent des choses, yani, azima, des choses comme celle-là, qui, yani, seul Allah subhanahu wa ta'ala donne à ceux qui aiment. Naam, partir faire une umrah pendant le Ramadan, c'est pas donné à tout le monde, comme on dit. Il faut que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime pour qu'il t'aime, pour que tu partes, pour que tu fasses umrah, masha'Allah. C'est comme si tu avais fait le hajj en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih numéro 1600, il a dit: inna al-hasana wa al-husayna huma rayhanatay min dunya. Il a dit: inna al-hasan wa al-husayn huma rayhatay min ad-dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: al-hasan wa al-husayn, connaissez les deux fils de Fatima, de Ali, Fatima et Ali radiyallahu ta'ala anhuma. Il a dit: ce sont mes deux parfums dans cette vie. Certains ont dit parfums, certains ont dit bien, les biens, mais beaucoup ont dit parfums à cause de Rayhan, le parfum, quelque chose qu'on sent qui a une très bonne odeur. Il a dit: le Hasan ou le Hussein, yani, ce sont mes deux plus beaux parfums dans cette vie. Certains ont dit, mais le hadith est da'if, Al-Bani a dit da'if, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Fatima: donne-moi le Hasan al-Hussein, et il les embrassait et il les sentait. Et daif, il les sentait, mais bien sûr il les embrassait. Mais vous avez sûrement remarqué que chacun a une odeur personnelle. Vous avez remarqué les bébés, mashallah, donc ils ont une odeur, mashallah, et que chacun, surtout les femmes, peut sentir l'odeur de son bébé qui n'est pas l'odeur de l'autre. Vous savez que nous tous, on a une odeur, chacun une odeur que l'autre n'a pas. Il est impossible qu'une autre personne ait la même odeur que moi, malgré les milliards de personnes qu'il y a. Comme il est impossible qu'on ait, par exemple, aussi les empreintes digitales, par exemple, concernant les empreintes digitales. Il est impossible qu'on ait les mêmes. Vous savez que c'est l'une des mu'jizat. Chacun a ses propres empreintes digitales. Il est impossible qu'il y ait deux dans les milliards de personnes qu'il y a. La même chose pour l'odeur. Il est impossible qu'il y ait deux. Même pour la voix, même pour le physique. Est-ce que vous avez trouvé deux qui se ressemblent à 100%? C'est impossible. Même s'ils sont des jumeaux, ils peuvent se ressembler jusqu'à 98%. Mais ma mère connaît toujours que X n'est pas Y, tellement elle les voit, tellement ils sont avec elle, yani, elle peut faire la différence. Mais pour quelqu'un qui les voit la première fois, il dit subhanallah, yani, deux gouttes d'eau. Mais en fait non, chacun, yani, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse des nuances. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse des nuances. Mais ici il parle de quoi? Il parle de l'odeur. Je dis chacun de nous a une odeur spécial. C'est pour ça, quelle est la preuve aussi, la preuve, pourquoi le chien, quand il recherche une personne, on lui donne quelque chose de son habit, on la lui fait sentir, surtout si c'est un chien, par exemple un chien policier, on lui fait sentir le vêtement de la personne, et il commence à le chercher, puis idnillah ta'ala, jusqu'à le trouver s'il n'est pas loin. Naam. Yani, ils ont un flair, les chiens, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un flair exceptionnel. Naam, un flair, ils peuvent sentir, yani, des choses, yani, et il va spécialement jusqu'à ce qu'il arrive à la personne elle-même. Et maintenant vous avez remarqué comment dans les certains aéroports, les chiens on les emploie pour la drogue. Autrefois, il mettait la drogue, je ne sais pas où, c'est difficile de la trouver. Chaque personne, on doit lui enlever ses vêtements pour le chercher, c'est un peu difficile. Maintenant, il y a le chien qui est spécialement, spécialement entraîné pour cette chose. Dès que passe devant lui une personne qui a de la drogue, même, maintenant vous savez où mettre la drogue, il la met dans le ventre, à l'intérieur. Ils font comme ça, comme des petits sachets, et il la mange, bon ça se mange pas, il la fond, il l'avale, barakallahu fik. Maintenant avec le chien, tu l'avales ou tu l'avales pas, il la sent, et quand ça a aboyé, ça veut dire cette personne a la drogue. Je dis que le chien de Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette exception, comme il a donné à beaucoup d'animaux d'autres exceptions. Il a donné aux pigeons tu l'es loin de ta maison, je ne sais pas combien de kilomètres, il revient les yeux fermés, comme on envoie le pigeon voyageur. Tu l'envoies, il part à la deuxième maison, des centaines de kilomètres, les yeux bandés. Il peut arriver à cette maison. Et d'ailleurs, même les chiens, même les chats, vous pouvez les éloigner de la maison des kilomètres et des kilomètres, ils reviennent. Après 2-3 jours, ils reviennent jusqu'à la maison. Nous-mêmes, je me rappelle, quand j'étais jeune, on prenait des chats, on les mettait dans un sac, tellement il y en avait de chats. Et on les éloignait à peu près 12 à 15 kilomètres, on les posait dans la forêt. Et le soir ou le lendemain, on trouve le chat dans la cour. La hawla wa la quwwata illa billah. Que est-il celui-là ici? On l'a emmené à la forêt, après une douzaine de kilomètres loin. Et le lendemain, il est devant toi, en train de hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette exception. Naam, leur a donné cette exception. Il leur a donné une boussole. Il leur a donné une boussole dans la tête. À 15, 20, 30 kilomètres, il revient jusqu'à la maison. Naam, il ne se trompe pas. Il y a des frères qui vous demandent de vous éloigner un peu de micro parce que ça fait fort. Jazakallahu khair. Naam. Faut me le dire. Pourquoi ça ne va pas? Jazakallahu khair. Naam. Maintenant, je suis sûr que vous allez me dire que je suis beaucoup éloigné. Naam. Je disais que la preuve qu'on avait une odeur, c'est ce que je viens de dire du chien aussi, et Yaqub alayhi salam. Yaqub, quand on a éloigné de lui son fils Youssouf alayhi wa ala nabiyina salatu salam, quand Youssouf alayhi salam a envoyé son qamis avec ses frères, il leur a dit prenez ce qamis, montrez-le à votre père. Lorsque ils étaient à des kilomètres avant d'arriver à la maison, il restait seulement quelques kilomètres pour arriver à la maison, Yaqub alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit inni la ajidu riha Yusuf. Inni la ajidu riha Yusuf lawla an tufannidun. Je sens l'odeur de Yusuf. Mais si ce n'est que vous allez dire que je suis fou, je suis vieux, je dis n'importe quoi, etc. D'ailleurs, ils lui ont dit tallahi innaka la fi dalalika alqadim. Tallahi wallah, tu es dans ton vieux égarement. Il n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit je sens l'odeur de mon fils, je sens l'odeur de Youssouf. Il l'a senti, les ulama ont dit, il l'a senti à des kilomètres. Naam. Donc on aime beaucoup quelqu'un, quand notre cœur est attaché pour cette personne qu'on a perdu, qu'on cherche ça, on peut plus ou moins sentir des choses que les autres ne sentent pas. Et regardez, il était aveugle, et subhanallah l'adim, quand on lui a jeté le qamis de son fils, en sentant seulement l'odeur, il est devenu, il a commencé à voir, il a recouvré la vue. Allah, il était aveugle. En sentant seulement le qamis, il a recouvré la vue. Certains disent, de là on prend que le malade, quand quelqu'un est malade, on doit lui faire quelque chose qu'il aime. Yaqub alayhi salam n'aime pas ici quelque chose, puisqu'il n'aime son fils et retrouver son fils. Déjà, trouvait seulement 100 000, c'était pour lui quelque chose de sublime, au point où il a recouvré la vue. Donc un malade, yani, il peut, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, recouvrer yani, sa santé si on lui a acheté ce qu'il voulait. Naam, si on lui a acheté ce qu'il voulait, il peut, bi'idnillah ta'ala, recouvrer sa vue. Moi, je me rappelle une fois, je ne sais pas pourquoi je parle des fois beaucoup de moi, mais je ne parle pas de moi pour me vanter. Yani, quand c'est témoin, je trouve que ça a rapport avec ce que je dis, des fois je parle un peu de moi. Une fois, je me rappelle, je vous ai dit une fois que j'ai vécu chez mon grand-père. J'ai pas vécu chez ma mère ni mon père, jusqu'à l'âge de 14 ans, à peu près, ou 15 ans. Et je vivais chez mon grand-père là. Moi, il était très riche. Une fois, je suis tombé malade. Auparavant, avant de tomber malade, j'avais vu dans une ville, j'avais vu dans un magasin, j'avais vu un cheval en bois. Vous connaissez le cheval en bois? On met quelqu'un dessus, il commence à balancer le cheval. Yani, de l'avant vers l'arrière. Là, on monte sur lui, on le tient comme à droite à gauche, et on balance sur lui. Là, je l'avais vu avant de tomber malade, il est laissé dans mon cœur. Une fois, je suis tombé malade, j'avais peut-être 10 ans, ou 9 ans là. Je me souviens, ma grand-mère, elle m'a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Je me suis souvenu de ce cheval, je lui ai dit un cheval. Et on n'avait pas terminé de parler, je sais pas ce qui s'est passé, on a coupé. Moi, je parlais du cheval, yani, si elle m'avait dit où est ce cheval, je lui ai dit dans le magasin que j'ai vu là-bas, c'était à Blida. Ensuite, on n'a pas terminé de parler. Ensuite, une semaine après ou là 10 jours, mon grand-père, Laïrmo, m'a acheté 2 chevaux et 2 vrais, 2 poneys. 2 poneys, un blanc et un noir. Le blanc, je l'ai jamais vu, j'ai vu seulement le noir. Quand j'ai grandi, ça fait seulement 5 ou 6 ans, ma mère m'a dit, ton grand-père là, Hermo, t'as acheté aussi un blanc que tu n'as pas vu. Ton père l'a pris, il l'a donné à des amis. Mais, subhanallah, moi je parlais du cheval en bois, on m'a acheté 2 vrais chevaux et je n'ai vu, comme je viens de dire, que le noir. On m'a acheté des poneys, ce qu'on appelle des poneys. Ça, quoi je l'ai dit, quand quelqu'un est malade, si on veut lui acheter ce qu'il veut, on le fait. Ça peut être une cause pour la guérison, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Ouais, ça peut être une cause. C'est pour ça que le malade, quand on va chez lui, la sunna, c'est de ne pas rester beaucoup chez lui. Pourquoi? Parce qu'on risque de ne pas savoir parler ou là. Déjà, on va lui faire des soucis. Déjà, lui, il est malade et on va nous faire lui des soucis. Sauf si on sait parler, on lui parle des choses qu'il aime, etc., etc. Masha'Allah, votre histoire. J'ai des histoires, là, j'ai des histoires. Je disais que il a seulement senti le qamis de son fils, il a recouvré la vue. Masha'Allah, la quote est là, c'est dire que, regardez combien, yani, c'est, ça chagrine le fait qu'on est loin de nous quelqu'un qu'on aime. Naam, son fils. Naam, il n'y a pas combien, yani, le fils, Masha'Allah. Le fils et la fille, bien sûr. Masha'Allah, l'enfant, quand on l'éloigne de ses parents, vraiment, yani, il souffre de calvaire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit Inna al-haya'a ou l'iman urina jami'an fa ila rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Il a dit la pudeur et la foi ont été groupées ensemble. Si l'un des deux part, l'autre aussi part. Ça veut dire, s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de pudeur. S'il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas la foi. Il a dit les deux marchent ensemble. Les deux marchent ensemble. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un en train de grandir son frère. Il m'a dit, toi tu es très timide, toi tu as beaucoup de pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse-le. Inna al-haya'a min iman. Laisse-le. La pudeur, c'est de la foi. Ça rentre dans la foi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, iman bid'u wa sab'una shu'ba. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من طريق والحياء شعبة من إيمان. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la foi c'est 74 ou la 76 ou là à peu près rameaux, c'est des rameaux la foi. Le plus haut rameau, c'est de dire la إله إلا الله محمد رسول الله, c'est la إله إلا الله محمد رسول الله. Le plus bas, c'est quand tu trouves quelque chose sur la route, tu l'enlèves, tu l'écartes. Par exemple, une peau de banane, tu l'écartes pour que les gens ne tombent pas. Ou là, tu trouves une bouteille cassée, ou là, tu enlèves Zoujadjada, tu l'éloignes pour que les gens ne se blessent pas. Quand tu fais quelque chose comme celle-là, en le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est de la foi. C'est ta foi qui t'a poussé à le faire. Naam. Et tu le fais en le visage d'Allah. Moi, si c'était pas Allah qui avait dit cela, peut-être je l'aurais pas fait. Mais je le fais parce qu'Allah aime celui qui fait cela. Ensuite, il a dit, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةُ مِنْ إِيمَانٍ. Il a dit, la pudeur, c'est quoi? C'est un rameau de la croyance. L'un des rameaux. Il y a 75 et quelques. L'un des rameaux, c'est quoi? C'est la pudeur. Ça joue un grand rôle en islam. D'ailleurs, le prophète a dit, الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ. La pudeur ne vient qu'avec du bien. Avec quelqu'un qui a de la pudeur, il ne vient qu'avec du bien. Et la pudeur, bien sûr, comme on peut la voir, c'est quelque chose dans le corps et c'est quelque chose qui peut apparaître aussi. Elle apparaît dans notre façon de parler. Elle apparaît dans notre façon de s'habiller. Elle apparaît dans notre façon de marcher. Quelqu'un qui a de la pudeur, quand il parle, il ne dit pas les gros mots. Pas les insultes, etc. Naam, son cœur est plein de honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se surveille, il dit pas n'importe quoi. Naam. Et ce qui sort de la bouche, c'est un délit de quoi? De qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. S'il y a dans le cœur l'iman, etc., ne sort de la bouche que les choses bien, les choses bonnes, les bonnes paroles. S'il y a dans le cœur autre chose, ne sort que les choses qui ne sont pas bien. C'est à peu près comme la marmite. La marmite, c'est ce que tu as fait cuire que tu vas manger. Tu as mis dans la marmite les pommes de terre, tu ne vas pas trouver la viande de la gazelle parce que tu as mis les pommes de terre. Si tu as mis dans la si tu as mis des navets, des carottes, tu ne vas pas trouver des poissons. Pourquoi? Parce que dans la marmite, tu as mis les navets et les carottes. La même chose. S'il y a dans ton cœur la foi, etc., dans ta bouche, il y aura des choses, masha'Allah. Si dans ton cœur, il est plein d'autre chose, dans ta bouche, il va y avoir aussi autre chose. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Ala wa inna fi jasad il mudra, idha salahat salahat sayyul jasad, wa idha fasadat fasadat sayyul jasad. Il a dit, il y a dans le corps, dans l'être humain, dans son corps, il y a un morceau de chair, parler du cœur. Il a dit, si ce morceau de chair qui est le cœur est bien, tout le corps sera. Si n'est pas bien, le corps n'est pas bien. Naam. Si ton cœur est bien, tout ce qu'il y a dans ton corps, ce que tu fais avec ton corps, est bien. Si le cœur n'est pas bien, son résultat, il donne des choses qui ne sont pas bien. Je disais, par exemple, la pudeur, elle est, par exemple, dans la façon de s'habiller aussi. Plus on s'habille, on cache notre aura, plus on a de la pudeur. C'est pour ça que plus une femme s'habille longuement, plus c'est une preuve qu'elle a de la pudeur. Et plus quelqu'un se découvre, plus c'est quelqu'un qui n'a pas de pudeur. Non. Et plus on s'habille, plus c'est un délit que on fait des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et plus on se découvre, plus yani, on c'est le shaitan, ça plaît au shaitan, ça ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Adam alayhi salam et Hawa, dès que ils ont mangé de l'arbre que Allah ta'ala avait interdit, la punition c'était quoi? C'était que Allah subhanahu wa ta'ala les a dénudés, leur a enlevé leurs vêtements. Donc, quand on n'a pas de vêtements, c'est un délit de la ma'asiyya, du péché, et que Allah subhanahu wa ta'ala est courroucé de nous. Puis on n'a pas de vêtements, plus c'est un délit qui court aussi de nous. Plus on s'habille, plus c'est un délit que on est bien en ce sens. C'est pour ça que les ulama disent, si tu vois quelqu'un, ou là tu te vois dans le songe, sans habit, ou là des habits très courts, ça veut dire que ta foi n'est pas bien. Il faut yani, se vérifier, qu'est-ce que tu fais, etc., pour te rattraper. Et dans le songe, plus tu vois que tu es bien habillé et beaucoup habillé, plus c'est bien. C'est bien. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala dans le songe avec un grand kamis, long kamis. Il lui a dit, Ya Rasulallah, c'est quoi d'après toi? Qu'est-ce que tu as là? il a dit l'ilm, l'ilm, un grand khamis qui d'en haut qui descend jusque sur par terre, donc dans le songe, plus on se voit avec un short, plus on se voit avec les vêtements, les sous-vêtements seulement, ou là on se voit nu, plus année, il faut voir notre iman. Notre iman n'est pas bien cette semaine. Et plus tu te vois bien habillé, bien couvert, plus yani, masha'Allah. Et avoir la pudeur aussi dans la façon de marcher. Dans la façon de marcher, quand tu vois quelqu'un marcher, seulement à la façon de comment il marche, tu vois s'il a de la pudeur, s'il a de la pudeur ou s'il n'a pas. Non. Quelqu'un qui a de la pudeur, il marche yani, avec modestie. Il marche avec modestie, de façon à ce qu'on ne montre pas du doigt dans la rue, la façon de marcher. Il marche normalement, yani, hadi, modestement, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala de cette femme qui a dit dans le Coran lorsque l'histoire de Moussa alayhi salam. Parce qu'il a dit وجاءت attention je dois d'abord me rappeler il a dit الله سبحانه وتعالى فجاءته نعم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء نعم تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا regardez سبحان الله العظيم فجاءته elle est venue vers Moussa l'une des deux sœurs إحداهما comment qu'elle marchait الله سبحانه وتعالى تمشي على استحياء qui avait une démarche de pudeur. Subhanallah. Même la démarche, elle a un rôle. Timshi al-Stihya. Yani, elle marchait avec yani, pudeur. Elle avait une démarche timide. Qalat in abi, yed'ouka di yedziyaka ajra masakhita lana. Elle lui a dit, mon père t'appelle pour te récompenser de nous avoir abreuvé. Yaroulma, on dit, voici un dalil qu'une femme peut parler à l'homme. Pourquoi vous dites la femme, c'est Aura, elle ne peut pas parler. Pourquoi celle-là, elle a parlé à Moussa alayhi salam. Il lui a dit, ton père, mon père t'appelle pour qu'il te récompense. Pourquoi Moussa alayhi salam ne lui a pas dit, tais-toi, pourquoi tu parles? On ne parle pas avec les hommes. La femme peut parler avec un homme quand elle doit parler. Mais elle ne peut pas parler quand elle n'a rien à dire. Pour plaisanter, rire et s'amuser. Comme font beaucoup de sœurs en internet. Du matin au soir, en train de parler avec les hommes n'importe quoi. Ça c'est haram. Et quand je parle avec quelqu'un parce que j'ai besoin de lui, cette chose est permise. La femme parle avec quelqu'un pour lui dire j'ai perdu quelque chose, là, montrez-moi le chemin ceci ou là cela ou là. Ça c'est permis. Mais ce qui est interdit, c'est de parler seulement dans le but de parler, hein, sans raison, sans excuse. Non. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith. On va terminer inshallah ta'ala. Il a dit, on dit je cherche le dernier hadith l'avant-dernier. Il a dit inna ar-rajula idha dakhala fi salatihi aqbala Allahu alayhi bi wajhihi fala yansarifu anhu hatta yanqalib aw yuhditha hadatha su. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand quelqu'un commence à faire la salat, il dit Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala met son visage face à son visage. Rappelle-toi cela, c'est très important. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis son visage en face de toi. Bien sûr, tu ne peux pas le voir, mais tu crois en cela. Tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala a mis son visage en face de ton visage. Il a dit فَلَا يَنْصَارِفْ عَنُوْ حَتَى يَنْقَلِبْ. Allah subhanahu wa ta'ala laisse son visage en face de ton visage jusqu'à ce que tu termines ta salat, jusqu'à ce que tu dises Salamu alaykoum, simple. Il a dit, ou bien, sauf si, yani, il perd ses ablutions dans la salat. Il perd ses ablutions, ou bien il fait quelque chose qui n'a rien à voir avec la salat. Là, Allah subhanahu wa ta'ala enlève son visage, yani, il n'est plus en face de soi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, il n'aimait pas, il qui fait ses salat. Il n'aimait pas quand quelqu'un et la salat, il commence à regarder comme ça à droite, à gauche, en haut, à droite, à gauche. Ça, c'est interdit dans la salat. Au moins, c'est makruh. Au moins, c'est makruh. Et Aïcha radiallahu ta'ala anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'en est-il de l'iltifat. Qu'en est-il pour quelqu'un qui regarde par exemple comme ça à droite, à gauche. Il a dit ça, c'est le shaitan. Qu'est-ce qu'il fait? il te prend de ta salat, il t'y laisse. Ikhtalisuhu ash-shaytanu min salatil 'abd. Il a dit, le shaytan, bien sûr, il est toujours avec nous, c'est notre plus grand ennemi. Yani, du matin au soir, il nous guette. Alors, il voudrait bien que la salat, si au moins il ne te la fait pas perdre toute, au moins qu'il prenne quelque chose de ta salat. Qu'est-ce qu'il prend ? À chaque fois que tu regardes à droite ou à gauche, il te prend ta salat. Ça s'appelle khtides. Il te vole de ta salat. Donc, il peut te la réduire. À chaque fois que tu regardes à droite ou à gauche, il prend. Et il peut la rendre yani, très petite ou la minime. C'est pour ça que quand on fait la salat, qu'est-ce qu'on fait ? On ne regarde qu'à l'endroit où on va se prosterner. Certains gens ne savent pas, ils regardent en face. Le plus juste, c'est que tu regardes à l'endroit où tu vas te prosterner. Sauf quand tu es assis en train de faire le teshahud, tu regardes ton doigt. Tu regardes ton doigt qui est fixé vers la qibla. Et que tu fais bouger un peu de haut en bas. Un peu de haut en bas, quand tu es en train de regarder ton doigt. Et le seul endroit où on ne regarde pas, où on va se prosterner. Dans tous les autres cas, tu regardes seulement où on va se prosterner. Non. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, je vais chercher un hadith ici. Non. Il a dit Inna ruqa wa tama'ima. والتوالى شرك إن الرقى والتمائم والتوالى شرك البروفيت صلى الله عليه وسلم أدي الرقية بصابس كسي الرقية quelqu'un est malade il dit à quelqu'un par exemple tu viens me faire la ruqya hein? Il commence à lui lire le Coran ou là lui faire des doigts ou là il le prend par la tête et il dit ça s'appelle ruqya on dit il m'a fait une ruqya ou là je veux faire une ruqya. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran waqila man raq waqila man raq, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait la ruqya? C'est un verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les ruqya c'est du shirk. Les ulama ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait une ruqya à quelqu'un et lui-même on lui a fait une ruqya. Jibril alayhi salam lui a fait une ruqya, Aïcha lui a fait une ruqya, mais avec sa main, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment qu'il a dit ces shirk? Les ulama, ils ont dit, na'am, il parlait des ruqya qui sont shirk. Il y a des ruqya qui sont valables, il y a des ruqya qui ne sont pas valables. Et la règle, pour que la ruqya soit valable et acceptée, il faut qu'elle remplisse trois conditions. Il faut que ça soit avec le Coran, ou bien les noms d'Allah et ses attributs. Deuxièmement, il faut qu'elle soit en une parole qu'on comprend. Et troisièmement, il faut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit, c'est pas la ruqya. Si la ruqya remplit ces trois conditions, elle est, inshallah ta'ala, valable. Je répète, il faut que ce soit avec le Coran ou bien les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien l'ad'iyya, ou bien les invocations. Il y a que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple lahumma rabbal nas adhib al ba's wa shfi anta shafi la shifa ila shifa'ak shifa'an la yughadiru saqama, par exemple comme ça. Mais si quelqu'un va nous faire des ruqya avec, il va dire des choses comme ça de bida et des choses de ça, c'est interdit, hein, ce n'est plus accepté. Deuxièmement, il faut que ça soit avec une langue ou un langage qu'on comprend. Ça veut dire qu'il faut que celui qui me fait la ruqya, j'entends qu'est-ce qu'il est en train de dire, ensuite je comprends ce qu'il est en train de dire. Non, pourquoi? Parce qu'il se peut, il commence le temtem, il commence à dire des choses que je ne comprends pas, alors qu'il est en train de parler avec les djinns. Non, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font pour la ruqya? Ils parlent directement avec le djinn qui t'a fait des problèmes. Dans la ruqya, on cherche la ruqya, pourquoi? Des fois on a un problème avec un djinn qui nous a fait un problème, le djinn nous a frappé par exemple, alors on va faire venir quelqu'un nous faire la ruqya sur quelqu'un, c'est un charlatan ou un sorcier, il va parler directement avec le djinn, il lui dit bon si tu veux inchallah on va te t'égorger un mouton etc, et tu sors et tu laisses cette personne etc, et le djinn part. Ici c'est pas parce qu'il a eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais parce que tu as fait un grand shirk, tu tu as égorgé un mouton à cause de lui. Et lui, voilà ce qu'il attendait. Lui, il dit, moi, ça ne fait rien, je perds cette personne, je vais sortir d'elle. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné, je l'ai fait tomber dans le shirk. J'ai fait tomber cette personne dans le shirk. Qui est mieux que moi aujourd'hui? Donc, il sort. Pour ça, certains disent, subhanallah, celui-là, il a vraiment, il a la hikma. Il a fait sortir le djinn. Il l'a fait sortir. Certes, il l'a fait sortir. Mais avec quoi il fait sortir? Avec le Coran et la Sunna? Ou là, en faisant un shirk? Il l'a fait sortir en faisant un shirk. Deuxièmement, quand le djinn sort par shirk et non pas par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il reviendra. Il va rester un mois, six mois, une année et il revient. Pourquoi? Il veut encore que tu lui égorges autre chose et que tu fasses aussi du shirk. Tu as fait du shirk la première fois, pourquoi tu ne feras pas la deuxième fois? Et il viendra une deuxième, une troisième. Mais quand quelqu'un fait sortir le djinn bi-idhnillah, par obéissance à Allah, tellement il a peur bi-idhnillah, par obéissance ou bien par peur. Ah, par peur, il lui fait peur. Quand il part, jamais il ne revient. Il a peur que la personne va faire revenir l'autre personne qui lui a fait la ruqya et qui lui a fait peur, etc. Il dit, donc, je vais chercher une autre victime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, les ruqya sont shirk. C'est-à-dire les ruqya qui contiennent et comprennent du shirk. Mais si la ruqya, comme je viens de dire, c'est seulement du Coran, etc., c'est permis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a'ridu aliya ruqakum. Il demandait aux gens, dites-moi, yani, faites-moi voir comment vous faites la ruqya. Il a dit, tant qu'il n'y a pas du shirk, elle est acceptée. Tant qu'une ruqya ne contient pas du shirk, elle est acceptée. Ensuite, il a dit dans le même hadith, inna ruqa wa tama'im wa tiwala shirk. Tama'im, c'est quoi? C'est toute chose qu'on accroche avec le but de d'éloigner du mal ou de faire venir un bien. Toute chose qu'une personne accroche, soit autour de son cou, soit autour de sa main, son bracelet, soit autour de son pied, soit dans la voiture, soit devant la porte de la maison, soit je ne sais pas où, n'importe où, si elle en accroche une chose avec l'intention que on doit, ou plutôt on veut éloigner un mal, ou bien on veut rapprocher un bien, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle tamima, tamaim. Tous ces shirks. Ces shirks, naam. Beaucoup de gens, par exemple, à cause de leur bébé ou là, à cause d'eux-mêmes, ils accrochent par exemple ce qu'on appelle la main de Fatma. Khamsa. On appelle la main de Fatma. Ils l'accrochent surtout au bébé. Ils disent qu'on ne le frappe pas d'un mauvais œil. Le bébé, on lui fait cela pour qu'il ne soit pas frappé d'un mauvais œil. Subhanallah. On laisse le vrai médicament que nous a donné l'islam, les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, les deux sourates, a'udhu bi kalimat lahi tamma min kulli shaytanin wa hammin min kulli 'aynin lamma, ce hadith, on laisse qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, et on va au shirk, on va lui acheter quelque chose, on va acheter le shirk avec de l'argent. Subhanallah, le shirk, la main de Fatma, on va acheter avec de l'argent, c'est de l'or. Oh, on va acheter le shirk avec l'argent et on la lui met autour du cou et ça n'attire que les chayatines. Pourquoi? Parce que les chayatines aiment le shirk. Donc le bébé, tu l'as voué parce qu'il soit entouré de chayatines. Walayyad billah. Naam. La hawla wa la quwwata billah. Certaines personnes accrochent la main de Fatma dans la porte. Disent comme ça, yani pour que ma maison ne soit pas frappée de mauvais oeil. D'autres accrochent ce qu'on appelle le fer à cheval. Un fer à cheval. D'autres accrochent une tête d'une gazelle. D'autres une tête d'un petit ours. D'autres, ça n'en finit pas. Toute chose. Et si vous savez, yani, les roues, jazakallahu khair, les roues, naam, certains accrochent des roues, on voit beaucoup, beaucoup, pas ici, hein, au bled. Surtout sur les villas. Les villas, dès qu'ils commencent la villa, il accroche quoi? Il accroche une grande roue en plastique. Subhanallah, il te dit quand, pourquoi? Pour que je ne sois pas frappé de mauvais oeil. Maintenant, ils ont pris même la bid'a d'accrocher les grandes roues, même dans les champs. Subhanallah. Dans les champs, yani sur un arbre, il accroche une roue. Maintenant, si tu veux acheter une roue de secours, tu vas aller chez ceux-là, ils te vendent une roue. Hein? Tout le monde maintenant met la roue, il croit que, non, il croit que ça va enlever le mauvais œil et il laisse le vrai médicament que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, yani, et le vrai médicament que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Les gens sont des ignorants, c'est pour ça que, yani, ils font des choses comme ça, ils se font des péchés, ils s'attirent des ennuis, ils s'attirent des chayatines, et ils ne savent pas. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ici, il y a une chose très importante à dire. Naam, avant d'oublier, je vois ici où je suis dans ce pays, je vois les Asiatiques, les Bengals, ceux qui viennent du Bangladesh, les Hindous, les Masha'Allah. Yani leurs mains remplies. C'est rare de trouver quelqu'un qui n'a pas quelque chose autour de son bras ou là autour de la chouïa, un peu au-dessus de l'épaule. C'est plein de, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. C'est comme ça, un hijab. Hein, tu ouvres, tu trouves à l'intérieur, je ne sais pas quoi, quelque chose de la grenouille ou les talismans. Tout ça, c'est du shirk. Tout ça, c'est du shirk. Les ulama ont dit, supposons, maintenant on va parler par exemple de la main de Fatma. Supposons. Ils ont dit, celui qui par exemple accroche la main de Fatma, par exemple pour le fer à cheval, par exemple pour éloigner l'œil, ils ont dit, il a un des trois cas. La main de Fatma est toute autre chose, là c'est un exemple. Mais il rentre, il a l'un des trois cas. Ou bien il se dit dans son cœur que ce fer à cheval peut, yani c'est lui qui enlève le mal ou c'est lui qui attire le bien. Celui-là, il a fait un grand shirk. Ça veut dire s'il meurt sans faire le repentir, il va rentrer à Jahannam et il ne va plus sortir. La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Pour un morceau de fer. Pour un fer à cheval, il va rentrer à Jahannam et il ne va plus sortir. La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Il a dit que c'est cette chose en elle-même, c'est pas là. C'est cette chose qui éloigne le mal ou la fait venir le bien. Ça, c'est le grand shirk. Maintenant, s'il dit non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui éloigne le mal et qui fait venir le bien, et cette chose, le fer à cheval ou la main de Fatma, c'est seulement une cause. C'est une cause, sabab. Mais c'est Allah qui est tout. Seulement cette chose, c'est sabab. Dans ce cas, il a fait un petit shirk asghar. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah Subhanahu wa Ta'ala ne pardonne pas le shirk, qu'il soit grand ou qu'il soit petit. Donc dans le deuxième cas, tu dis c'est Allah qui enlève éloigne le mal, mais cette chose, c'est une cause seulement. C'est une cause. Alors tu as fait le shirk, mais le petit shirk. Et maintenant, troisième cas, quelqu'un accroche cette chose, c'est pas pour enlever le mal ou là pour attirer le bien, seulement par plaisir. Par exemple, quelqu'un, tu lui dis pourquoi tu mets le fer à cheval, tu l'as accroché dans ta voiture, il te dit alors là je n'ai pas d'intention, c'est seulement un est comme ça, j'ai pas d'intention. Dans ce cas, le relément dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une ma'siya, il a fait un péché. Pourquoi? Il a fait un péché car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من تشبه بقوم فهو منهم. Quiconque se fait ressembler à un groupe ou là, il est deux. Et celui-là, il s'est fait ressembler à ceux qui font du shirk. Naam, ce sont ceux qui font du shirk qui accrochent ces choses-là. Toi, tu l'as accroché sans le vouloir, tu n'as pas d'intention, mais tu leur as ressemblé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque ressemble à un autre, il est comme lui. Donc, tu as un péché, même si tu n'as pas dans l'intention de faire comme eux. Maintenant, si quelqu'un va me dire pourquoi tu as dit que s'il dit c'est Allah Ta'ala qui enlève le mal, mais cette chose j'ai pris seulement comme cause, pourquoi quand même il a fait du shirk? Maintenant, alors Alors il va dire ce médecin, pardon, il va dire ce médicament. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui soigne, mais ce médicament c'est une cause. Est-ce qu'il va avoir aussi un péché, le shirk, le petit shirk? On dit non, il y a une grande différence. Dans ce cas, le deuxième cas du médicament, tu as dit c'est une cause parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit c'est une cause. Parce que Allah a dit que c'est une cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tadawu, yani comment on dit tadawi, soignez-vous. Il a dit soignez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, il a dit soignez-vous. Il a dit il n'y a pas un mal que Allah a fait descendre sans qu'il ait fait descendre son médicament. Se soigner, c'est même des fois obligatoire. Des fois, si tu ne soignes pas, tu as des ismes. Donc, moi, quand je dis que ce médicament est une cause, car le prophète m'a dit soigne-toi. Et si je me soigne, pour me soigner, je dois prendre des médicaments. Mais là, quand je dis le fer à cheval c'est une cause, ou la main de Fatma c'est une cause, c'est pas l'islam qui m'a dit ça, c'est pas le prophète qui m'a dit. Au contraire, le prophète islam m'a dit cette chose est interdite, et moi je l'ai faite, et j'ai dit cette chose c'est une cause. Donc pour dire en islam telle chose est une cause pour guérir ou là, il faut que tu aies un délire. Si c'est Allah et son prophète qui t'ont dit cette chose, prends-la et guéris, si tu apprends, tu as même un ajd, car tu obéis. Mais si toi de ta tête, tu vas dire telle chose guérit, telle chose enlève le mal, telle chose fait venir le bien, tu rentres dans le shirk. Pourquoi? Tu as inventé des choses. Tu as inventé des choses et tu t'es dit, elles éloignent le mal et elles apportent le bien. Naam. J'ai aujourd'hui beaucoup dépassé le temps, j'ai ajouté, mais pour terminer à 11h30, j'ajoute encore 3 minutes, inchallah. Comme ça, je termine à 11h30, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له دورة حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس. حديث صحيح. القفّة صلى الله عليه وسلم il a dit le shaitan quand il entend l'appel à la prière, سبحان الله العظيم, qu'est-ce qu'il fait quand il entend l'appel à la prière? Il a dit il change d'endroit. Il est par exemple dans cet endroit, il se lève et il va changer d'endroit, et en même temps il a, il fait sortir des gaz, il commence à faire sortir des pets avec, comme ça qui s'entendent bien sûr. Celui, celui il entend cette chose. Pourquoi il fait cela? حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ. Il n'aime pas l'adhan. L'adhan c'est quelque chose pour lui d'horrible. Il n'aime pas l'adhan. Or, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des paix comme ça pour qu'il n'entende pas d'Adam. Non, il n'y a pas comment faire. Donc, il fait sortir des gaz pour qu'il n'entende pas le Adam. Ensuite, il a dit, et il va loin. Non. Ensuite, quand Adam termine, le mot Adam, quand il termine, qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il est là en train de faire le Ouswes. Il est en train de faire le Ouswes. Il a dit ensuite, quand il entend l'Iqama, Allah Akbar, Allah Akbar, Qad qamat as-salat, Qad qamat as-salat, il commence quoi? Il fait la même chose. Non. Il fait la même chose pour qu'il n'entende pas l'Iqama. Il a dit, quand on termine l'Iqama, il est là, devant ton oreille, et il commence à faire le ouswas. Dès que tu dis Allahu Akbar, il commence à te faire te rappeler des choses que tu as oubliées il y a 15 ans. Il te les rappelle. Et il te rappelle qu'est-ce qu'il y a à manger, où sont les enfants, où est ton argent, où est la voiture, où est ceci, où est cela, subhanallah al-azim. Et ce shaitan de la salat, comme l'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith, il s'appelle Khinzab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement connaît les shayatins, mais il les connaît avec leur nom. Naam, avec leur nom. Il a dit celui-là, il s'appelle Khinzab. Dès que tu dis Allahu Akbar, il est devant ton oreille. Il commence. M'ont quitté, il commence à te faire penser à des choses à elle-même. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ta salat, tu ne prennes de ta salat que le minimum. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit on a de la salat que ce que on a médité. On a de la salat que ce dont on est concentré. hein, quand tu n'es pas concentré dans la salat, on ne t'écrit rien. Tu as bien sûr, tu as fait la salat, mais yani, quel est son ajr, quel est son ajr, combien tu as pris de hasanat, c'est ça l'essentiel. C'est pas seulement je fais la salat, je voudrais la faire avec des hasanat. Non, je voudrais travailler moi, mais je voudrais que tu me payes. C'est pas seulement je travaille. Je travaille, tout le monde travaille. Mais si j'ai pas la paye à la fin du mois, quoi ça me sert moi de travailler? Donc le shaitan il est là, il veut ou bien te faire oublier combien de rak'a tu as fait, ou bien il veut t'oublier où tu es, est-ce que tu te prosternes ou là qu'est-ce que tu dois faire, ou bien il a mille et une ruses, mais inshallah ta'ala, il n'y a pas une ruse que l'islam ne t'apprend pas comment la contrer. Puisque tu connais la sunna, puisque tu la contres, la ruse du shaitan. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce cas, quand tu te la prières, tu vois que le shaitan est avec toi, il ne te laisse pas dire, hein, il ne te laisse pas dire, il te mélange, il a dit, tu te tournes à ta gauche, et tu craches sur ton épaule gauche trois fois. Tu craches sur l'épaule gauche trois fois. Quand je dis crache, ça veut dire, yani, seulement tu fais sortir, yani, un peu d'air, comme ça, un peu de salive. C'est pas yani, cracher au point ou avoir yani, une tache sur son épaule. Surtout si tu es avec des gens, pas cracher sur celui qui est à ta gauche, yani, peut-être que il va te donner un coup de poing au point de salade. Surtout s'il ne connaît pas ces choses-là. C'est pour ça que de préférence, cette chose on l'a fait, quand on est seul. Quand on est seul, pas quand on est avec l'imam. Quand on est avec l'imam, c'est lui le responsable, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, quand tu fais la salat avec l'imam, s'il fait juste, vous deux vous avez le ajr. S'il fait faux, c'est lui qui a le ispé, toi tu as toujours le ajr. Quand tu es avec l'imam, c'est pas la peine inshallah ta'ala de faire cette chose. Mais quand tu fais la prière seul, que tu sois un homme ou une femme, et tu vois que tu sais plus ce que tu lis, il y a le shaitan avec toi, tu te retournes à ta gauche, tu dis comme ça trois fois, et inshallah ta'ala il sera brûlé bi'idnillahi subhanahu azza wa jal. Atawakafouna bi'idna subhanahu wa ta'ala. Je vous donne rendez-vous inshallah dans 10 minutes ou peut-être 5 minutes seulement. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت وفي صوت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je parlais du شيطان et je crois que le شيطان m'a fait oublier une chose importante. نعم. Quand j'expliquais le hadith, j'avais dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إِنَّ رُقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ الشِّرْكِ. Mais je n'ai pas expliqué ce que ça veut dire tiwala. J'ai oublié. C'est le shaitan qui m'a fait oublier. Donc tiwala, c'est, nous ont dit ce que fait la femme, le ce que fait l'épouse à son époux pour attirer son amour, pour qu'il l'aime. Des fois, la femme sent que son mari par exemple ne l'aime pas. Elle fait quelque chose de sihr, bien sûr. Les ulama ont dit c'est possible aussi que l'homme aussi fasse à la femme. Ça s'appelle tiwala. Ce qu'on fait pour attirer l'autre partenaire. Et certains ulama ont dit, même si ce n'est pas sa femme, si un homme fait à une femme spécialement, ou là une femme fait à un homme, ça s'appelle tiwala. Tout ça, c'est du shirk, bien sûr. Parce que, comme vous savez dans le hadith sahih, que les cœurs de Bani Adam sont entre deux doigts, il y en a deux beaux doigts, des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait épancher ce cœur par exemple envers telle personne et le contraire. Et ce n'est pas un sort où là on va chez le sorcier ou là chez la sorcière qui va nous donner des produits ou là des choses ou là et elle va dire voilà tu vas mettre ça dans le manger de ton mari sans qu'il sache, ou bien tu lui donnes à boire ça ou bien quelque chose comme ça. Là, tu lui mets ça dans ses vêtements et ça pour qu'il t'aime. Tout ça, c'est le shirk. Et Allah Ta'ala a dit que il pardonnait tout sauf le shirk. Même quand c'est un shirk, petit shirk, c'est grave. C'est grave. Alors, le plus grand péché, c'est quoi? C'est le shirk. Le plus grand, c'est le shirk. Ensuite, c'est le grand shirk. Ensuite, deuxième position. c'est le petit shirk, ensuite la bida, ensuite le grand péché, ensuite le petit péché. Comme ça, ça se divise. Donc le petit shirk, il est en deuxième position en ce qui concerne les plus grands péchés ou la yadou billah. Al-Mohim. Avant de commencer encore les questions, je me souviens qu'une fois j'avais dit que Abu Mu'ad, dans les contrôles, j'avais dit qu'il avait eu, je crois, 19,5. Je n'ai pas oublié. En fait, ce n'était pas Abu Mu'ad, c'était sa femme. C'était Umm Rayhana. Umm Rayhana qui a eu cette note, je crois que c'est 19,5, et non pas son mari. Naam. C'est Zawjat Abi Mu'ad, et non pas lui. معليش نكمل صلى الله تعالى ربما خيسنا تفضل تفضل صلى الله توكل على الله On m'a offert une main de Fatima pour la naissance de mon enfant. Dois-je la jeter? Et si c'est pour but décoratif seulement? Justement, but décoratif, c'est un péché. C'est un péché. Pour être sûr, vous soyez sûr de ce que je dis, revenez au livre de Salah al-Sheikh Hafidahullah, Kitab Sharh Kitab Tawhid. Il dit quiconque accroche pour but décoratif la main de Fatima ou quelque chose comme ça, le pied à cheveux, le fer à cheval, il a dit il s'est fait ressembler aux autres, il s'est fait ressembler aux mouchriquines, ceux qui font le shirk accrochent aussi, mais il y a ici l'intention qui change. Lui, il a fait le shirk et toi tu as fait le péché. Lui il a fait le shirk à cause de son intention que ça enlève le mal, et toi tu as fait le shirk à cause le péché à cause de l'avoir ressemblé. Man tashabbaha biqawm fa huwa minhum. Tu t'es fait ressembler à quelqu'un qui fait le shirk. Et puisque le shirk est grave, donc au moins on a le péché pour avoir ressemblé. Donc quand on a la main de Fatma etc., en quoi on l'accroche pas même pour but décoratif. Si elle est en fer, avant de la jeter, on doit la détruire. Parce que si tu la jettes, il y a quelqu'un qui va la trouver et va la mettre. Donc si tu la jettes, par exemple dans la mer. Ou bien tu la frappes par exemple avec le marteau jusqu'à ce qu'elle ne devienne plus une main et tu la jettes. Si elle est en or, tu peux demander à Saher, celui qui travaille dans l'or, de la faire fondre. Il la fait fondre et il la rend autre chose, il la rend une bague ou là il la rend autre chose. On ne jette pas de l'or, ça se jette pas, l'argent ça se jette pas aussi, on le transforme. La main de Fatima, tu vas chez le bijoutier, il la transforme et il la rend de l'or. Naam. Autre question, inchallah. Je lis une question, le temps que vous préparez, je vois que vous n'avez pas de question. J'ai une question. Cette question m'est venue d'un frère qui est souvent avec nous dans la salle, d'après ce qu'il a dit lui. C'est une lettre qui, le genre qui déchire le cœur, yani. Où je lis des lettres pareilles, je vois comment vivent mes frères là-bas, en Europe. Je trouve un grand chagrin, yani, qui descend sur mon cœur. Non, je trouve un grand chagrin qui descend sur mon cœur. Ce frère a dit, une seconde, je cherche la lettre. Non, ce frère a dit, je suis un frère habitant en France, je dis pas où, il a dit, et je suis dégoûté de tout un peu. Je trouve le minhaj salafi ici où je suis, je le trouve très dur et basé sur l'ignorance. J'ai l'impression que nous sommes salafi, alhamdoulilah. Non, mais que tous les autres sont égarés. Il y a eu énormément de fitna ici. La plupart des frères salafis d'ici n'écoutent que des cassettes. Et le problème, c'est que des jeunes viennent et posent des questions et que les frères répondent sans science. Soit ils ont lu une fatwa et ne connaissent que peu de choses sur le sujet, soit ils sortent des trucs de leur tête ou des « on m'a dit ». Enfin, j'ai peur de rentrer dans le conseil du Cheikh Rabi au sujet des frères de France et d'Angleterre. Ensuite, il dit, j'ai l'impression d'être un hizbi et me sens très mal, désormais. Désormais, je m'éloigne de la mosquée que je fréquentais et je vais dans une autre mosquée où je trouve la tranquillité. On ne met pas l'étiquette de salafi et je sens moins la pression de la mauvaise image et mauvaise da'wa que nous avons donnée. En tout cas, j'essaie de suivre le minhaj salafi sans aucun doute dans sa véracité et du fait que ce soit la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais désormais, cette personne dit, mais désormais, je n'ai plus envie de fréquenter les autres frères, à part un ou deux. J'ai envie d'apprendre ma religion et que ma femme et mes enfants suivent cette voie. J'aimerais des conseils, cher, car le problème c'est qu'ici, il n'y a jamais eu de da'i salafi pour nous donner une bonne éducation. Ici, il n'y a que la critique. Donc je vous demande conseil, je suis chez moi, je fais toutes mes prières à la mosquée, dans mes possibilités, j'écoute vos cours et ceux des différents da'i francophones, mais je trouve que je n'avance pas, il me manque cet effet de groupe. Et cours dans la mosquée, suivre un programme, etc. Enfin, je cherche une solution pour avancer. Déjà, je ne comprends pas l'arabe, je ne trouve personne pour m'enseigner. Donc, j'essaye d'apprendre en apprenant le Coran, j'essaye d'apprendre la religion, en écoutant les doros avec ma famille. Je ne sais pas trop quoi faire. Dois-je changer de ville en attendant d'avoir les moyens de partir? À savoir qu'ici, j'ai ma famille, du travail, etc. Je ne sais pas également où partir pour étudier. J'ai essayé Damaj, j'ai essayé le Yémen, mais on m'a fait refouler à l'aéroport de Sana'a. Pouvez-vous me donner des conseils pour savoir où partir avec ma famille pour étudier dans un premier temps? Ensuite, il dit, dois-je partir avec ma famille apprendre l'arabe en Égypte par exemple? Mais il faut pas mal de moyens, je pense, où partir autre part. Je dois vous avouer que je suis un peu perdu, j'ai besoin de conseils, j'aimerais me sauver moi et ma famille du feu et me rapprocher d'Allah par sa science et devenir plus fort pour affronter les épreuves qu'Allah mettra sur mon chemin. J'espère avoir été clair, à peu près clair, même si je n'ai pas de questions spéciales. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Est-ce que... Naam. Brahim, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non. Ce frère qui pense comme ça, ça ne doit pas être sûrement le seul. Sûrement qu'il y en a beaucoup. Sûrement qu'il y en a beaucoup de ce genre. Il y en a beaucoup qui désertent les mosquées. Parce que pourquoi? Parce que les gens les font déserter. Oulayadou billah. Non. Les gens, quels gens? Les frères nous poussent. Dans certaines mosquées, ils poussent les gens à déserter les mosquées. Et à faire la prière à la maison, car si tu fais la prière à la mosquée, tu vas vivre les plus grandes fitnas de ta vie. Tu risques même de laisser la salade, de la délaisser. Non. Alors il te pousse soit à changer de mosquée, à aller très loin, soit à faire la prière à la maison, qui est aussi yani, grave. Si on fait la prière à la maison, ça veut dire qu'on va pas tarder, on va pas tarder, et on va tout délaisser, bien sûr. C'est ce qu'aime le shaitan. Nous fassions la prière à la mosquée, à la maison. Et ce R, mashallah, il dit, moi je la fais dans une autre mosquée, et je ne veux connaître que une ou deux personnes, etc. Moi je dis, naam. Premièrement, la réponse, inshallah, premièrement, dis-toi que tu es dans le djihad. Toi, et tous ceux qui sont dans ton cas, sont dans le djihad. Wa kadhalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitna. Atasbirun? Allah a dit, et c'est ainsi que nous avons fait, yani nous vous avons fait les uns aux autres fitna. Quelqu'un, certains, c'est son père qui est une fitna pour lui, l'autre c'est ses enfants, l'autre c'est sa femme qui est une fitna pour lui, l'autre la femme c'est son mari qui est une fitna pour lui, l'autre c'est le voisin qui est une fitna, l'autre c'est le directeur de la société qui est une fitna, l'autre est comme ça, les autres c'est l'imam de la mosquée qui est une fitna pour eux. Tout ça, c'est le djihad. Allah Ta'ala a dit, atasbirun, wa kana rabbuka basira. Vous serez endurant, ou la, à moindre des choses, vous dites, là, j'arrête la salle. Ou est-ce que vous allez endurer? Toi, mon frère, premièrement, tu n'es pas obligé de connaître beaucoup de gens. Comme tu as dit, un seul, deux, ça me suffit. Une seule personne qui est bien éduquée et qui a assez de science, même s'il n'a pas assez de science, elle est assez compréhensive, on peut s'entendre, ça me suffit. Moi, j'ai pas besoin de connaître tout le monde, ensuite, puisqu'on connaît le monde maintenant, puisqu'on a des problèmes. je me suffis à une ou deux personnes et on essaie de d'obéir à l'Allah au maximum. On apprend notre din, les deux, etc. Je ne suis pas obligé de connaître tout le monde. Je me suffis à salam alaikum, kayf al-hal, et ça s'arrête là. Parce que on est on vit des moments très difficiles, surtout en Europe et surtout en France. Yani, plus particulièrement en France. Dans d'autres pays, c'est moins. Mais en France, yani, c'est la catastrophe. Pourquoi ? Exactement comme a dit le R. Parce que beaucoup n'ont pas d'aïn. Et ceux qui en ont, n'ont pas le bon comportement. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit : si quelqu'un vous demande votre fille, il a le din, il a le khuluq. Le khuluq, ça veut dire s'il n'a pas le khuluq, ne lui donnez pas. S'il y a quelqu'un, il a seulement le din, il n'a pas de khuluq, ne lui donnez pas votre fille. Non. Donc le khuluq, ça joue un très très grand rôle. Et personne ne sera plus près du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier comme celui qui a le bon comportement. Et à quoi ça me sert d'apprendre tout le Coran et tout Sahih al-Bukhari si j'ai un mauvais comportement? L'islam, c'est pas la quantité que tu apprends, c'est pas seulement que tu apprends, tu apprends seulement 4 ou 5 versets, 1 ou 2 hadiths, mais tu appliques, tu as un bon comportement. Non, c'est pas une question de tu connais beaucoup, mashallah, il a appris le Bukhari, il a appris Sahih al-Tirmidhi, et ensuite je te vois que tu passes la journée à critiquer les gens, tu passes la journée à parler, à faire la médisance, tu passes la journée à dire n'importe quoi. À quoi ça t'a servi d'apprendre Bukhari et Tirmidhi? Au contraire, si tu n'avais pas appris ces deux livres, ça aurait été mieux. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras excusé, tu es jahel, et devant les gens, tu n'amochis pas l'islam. Ils disent c'est un jahel. Mais maintenant, les gens disent celui-là, il apprend Bukhari, etc. Donc c'est ça l'islam. L'islam, c'est comme fait cette personne. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Patiente, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, patiente. Et, inshallah ta'ala, le ajr, il est toujours, inshallah ta'ala, inscrit. Il est toujours inscrit. Pourquoi? Parce que l'insan, il doit patienter et il doit y aller, faire des efforts, car ce sont des fitnas. Mais celui qui est sincère, c'est celui qui tiendra. Celui qui est sincère, et celui qui n'est pas sincère, il sera vite écarté du chemin. Il ne peut pas tenir. Celui qui n'est pas sincère, il tient un an, deux ans, trois, ensuite il ne peut pas continuer. Là, c'est le chemin est long. Peut-être qu'on va vivre 30 ans, peut-être 50 ans, le chemin est long. Il faut yani, penser au loin, ne pas penser yani, à ce qui va se passer dans un quart d'heure. Pense, il faut que tu aies des réserves. Il faut que tu aies des réserves pour aller loin. Ne brûle pas ton essence. L'essence que tu as dans ta voiture, ne le brûle pas, yani, comme ça, yani, mais laisse-le pour faire le long voyage. Laisse-le pour le long voyage qui nous attend. Non, c'est pour ça que, comme j'ai dit, minimise les amis. C'est pas la peine d'en avoir beaucoup. Choisis seulement un ou deux ou trois qui sont, mashallah, gentils, bon comportement, avec ceux-là, inshallah ta'ala, yani, tu continues ta route. Qui Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera si on est sincère. Allah azza wa jalla nous ouvrira ses portes et te demande de patienter un peu, inshallah ta'ala, d'aller au maximum à la mosquée et d'écouter yani, les doros, inshallah ta'ala, et d'apprendre au maximum jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une issue. Maintenant, quand quelqu'un est dans un endroit et dans une mosquée ou khlas, c'est impossible de corriger, impossible de faire expliquer aux gens, etc. Celui-là, s'il peut, il change de ville. Celui-là, s'il peut, il change de ville, il change de mosquée et il commence de nouveau. Hein? Quand il commence, il rentre la première fois à la mosquée, il commence de nouveau. Il y a une connaissance de nouveau, comme j'ai dit, il ne fait de connaissance qu'avec une ou deux personnes, c'est tout. Et il est très retiré et il dit beaucoup, il apprend beaucoup. Voilà, il fait comme celui qui a tué 100 personnes. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a dit il n'a pas Ardoso, l'endroit où tu es n'est pas bien, change de ville, va aller dans un endroit où tu ne connais pas, inshallah ta'ala, où ce sera facile. Quand on change de ville, alhamdoulilah, on s'éloigne des méchants et on commence une nouvelle vie, inshallah ta'ala. والله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يعينك وأن يكون معك وأن يوفقك وأن يهديك أكثر وأن يثبت خطاك وأن يعلمك وأن يعينك. آمين يا رب العالمين. تفضل إن شاء الله prochain سؤال. تفضل إبراهيم. تفضل إن شاء الله pour ne pas perdre de temps. تفضل إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, la soeur, la Orte Salafi, Inch'Allah, elle a posé la question, je pense, vous voyez. Attendez, je vais faire quelque chose. Vous voyez la question, Cheikh? Non, j'avais pas remarqué. Une soeur demande, salam alaikum, le collier de Sbih est-il permis? Sinon, quelle est la preuve? Que dire aux parents qui ne cessent de l'utiliser? Pardon, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire le collier de Sbih. Non, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire le collier de Sbih. Brahim, prends le micro, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire le collier de Sbih. Prends le micro. Ah, Tisbih, le chapelet. Non, le chapelet qu'on voit chez, yani, chez les gens qui disent par là, avec le chapelet à la main, c'est ça, hein? Pour faire le dhikr. Ah, d'accord. Non, Subha, non. Pardon, tu es là, non. Subha, ça s'appelle Subha, je vous dis Subha en arabe. Non, celle-là, c'est une bida. C'est une bida qui est venue de l'Inde. Il est venu de l'Inde, ensuite les musulmans l'ont pris, ensuite même les chrétiens l'ont pris. Maintenant les chrétiens, ils ont ça aussi, le chapelet Ada. Naam. Le chapelet Ada, c'est une bida qui est venue de l'Inde. Nos plus prédécesseurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses femmes, ses compagnons, n'ont jamais vu ce que c'est la subhan, ils l'ont connu. Si c'était quelque chose que Allah aimait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été le premier à la faire. D'ailleurs, comment aurait-il fait le chapelet Ada alors que lui sallallahu alayhi wa sallam a dit, il parlait des doigts, il a dit innahunna mustantaqat. Il a dit le tasbih, ce que vous faites avec les doigts, le jour du jugement dernier, on ne viendra pas avec le chapelet, on viendra tout nu, on viendra nu, sans vêtements, encore moins sans chapelet. Alors ce jour-là, tes doigts attesteront que tu faisais le tesbih. Tes doigts diront subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pourquoi? Parce que tu faisais le tesbih sur tes doigts. Maintenant, si tu faisais sur le chapelet ce jour-là, tu l'auras pas devant toi. Et tu regretteras d'avoir fait tout le tesbih sur le chapelet qui n'est pas avec toi. Mais tes doigts sont avec toi, alhamdoulilah, ils vont dire subhanallah, subhanallah, subhanallah. Donc le chapelet Ada, c'est une bida. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, il est permis dans un cas, lequel, pour quelqu'un qui se trompe beaucoup, il le fait, ou là il compte avec lui, mais sans se dire que c'est quelque chose de la religion. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que Allah aime ou là. Non, c'est quelque chose, c'est un instrument. Je m'aide avec pour ne pas me tromper. Ça veut dire, comme je peux compter avec des cailloux, là je compte avec un stylo, là je compte avec une calculatrice, je compte avec le chapelet. Mais, ça c'est un ijtihad de Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yahmou. Mais si vous écoutez l'Albani ou là les autres, ils disent non, ça c'est bid'a, et il faut s'en éloigner. Comme a dit aussi Shoukani, Allah yahmou, il a dit c'est une bid'a qui est venue de l'Inde. Nous, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on ne suit pas cela. Ensuite, autre chose, comme a dit Cheikh Al-Albani, il a dit ce qui est grave aussi, c'est que j'ai vu des gens comme ça avec le chapelet, yani, pour montrer aux gens qu'on fait le tesbih. Yani, avec le chapelet à la main, il marche, yani, qu'on voit, regardez, je suis en train de faire le tesbih. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de Ibrahim, il a dit idh nada rabbahu nida'an khafiya. Il n'a rabbahu nida'an comment khafiya, yani que personne ne connaît. Donc quand je fais des invocations, c'est pas la peine que je les fasse à haute voix. C'est quelque chose entre moi et Allah. Je veux avoir le ajr. Je veux me cacher au maximum pour que personne ne sait. Quand je vois quelqu'un regarder mes lèvres, j'arrête. Pour ne pas lui montrer que yani, je l'ai fait pour lui, je l'ai fait pour Allah. Alors celui-là, il est avec le chapelet, subhanallah, subhanallah, subhanallah, en train de presque de jouer, astaghfirullah. Il n'est même pas yani, sincère. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc, celui qui peut s'éloigner de ce chapelet, qui s'en éloigne. C'est pas dans notre dîme ni des habitudes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, celui qui est malade ou là, il ne peut pas compter, il se trompe beaucoup là, qu'il le fasse, yani, comme instrument, il le fait de temps en temps. Il le fait de temps en temps, mais ça n'a rien à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fadlam, inshallah, prochain soir. Salamu alaykoum. Voici ma question. Aujourd'hui, cheikh, nous voyons de plus en plus de jeunes revenir à la salat, venir dans la mosquée, faire des efforts dans la religion, ainsi que de plus en plus de personnes se convertir. Masha'Allah, voilà quelque chose qui fait plaisir. Ils reviennent à la aqida, sahih, ou min al-salafi, etc. Pouvons-nous dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase de retour à notre religion et que l'islam vit une période de grand retour de la part des musulmans dans le monde entier? Est-il vrai qu'un jour les musulmans vont conquérir Rome? Le fait qu'on voit les gens revenir vers la aqida sahiha et le minhaj et vers l'islam en général, ça fait beaucoup plaisir à un musulman. Ça fait beaucoup plaisir à un musulman. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que plus il y a de fitan, plus les mosquées se remplissent. Quand on voit maintenant qu'est-ce qu'il y a comme fitan, qu'est-ce qu'il y a comme facilité pour faire le péché? Combien c'est facile pour boire l'alcool? Combien c'est facile pour faire la zina? Et des gens, masha'Allah, qui vont à la mosquée, qui remplissent les mosquées, yani, ils disent, masha'Allah, c'est une preuve que la chose, elle dit, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que quiconque, yani, veut éloigner les gens de l'islam, il ne peut pas. Car les cœurs entre deux doigts d'eux, les doigts de Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent pour éloigner les gens de l'islam, ils ne pourront pas. Plus les juifs ont des fitnes pour éloigner les gens, car tout ce que vous voyez à la télévision, les films osés, les films sales, etc., tout ça c'est des juifs. Ils sont payés, ils payent des gens spécialement pour les musulmans. En fait, qu'est-ce qu'ils disent? On fait spécialement cela pour faire sortir la femme musulmane. Et elle jette son djilbab, elle s'éloigne du djil, et elle fait ces choses-là. Et aussi pour éloigner, bien sûr, le jeune musulman. Nous sommes les plus grands ennemis des juifs, vous savez ça. Yani, pour les juifs, le shaitan vient en deuxième position. Nous, ensuite le shaitan. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais, l'amr bi yadillah, min qabl wa min ba'd. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide, avant et après. Et lui, yani, malgré il se passe, qu'est-ce qui se passe quand il veut que son islam se propage, il se propage bi'inna subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est alhamdulillah, fadlun wa ni'ma min Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à conquérir Rome, na'am, c'est dans le hadith sahih. C'est dans le hadith sahih, na'am. Rumiya, ça s'appelle Rumiya. Il n'y aura pas la fin du monde avant que l'islam ne conquise l'Italie spécialement. Pourquoi Rumiya spécialement? Parce que Rumiya, c'est là-bas qu'il y a quoi? Il y a le Vatican. C'est là-bas, le Qa'ar ta'al al-Nasraniya ou le Kufr. Naam. C'est là-bas, que vient le grand Kufr du christianisme. Naam. Et que vient de tout ce qui se passe qui est contre l'islam. Vous entendez ce que dit leur curé, j'ai oublié comment il s'appelle. Maintenant, là, il critique le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il critique l'islam, il critique. On lui dit, attends, le jour où, inshallah, tu verras que l'islam conquérira bi'idna subhanahu wa ta'ala cette ville. Bi'idna subhanahu wa ta'ala, il la prendra. Il la prendra bi'idna subhanahu wa ta'ala et le monde ne se terminera pas avant que l'islam ne conquise la ville et ne fasse la guerre aussi, la guerre sainte aux juifs. Là, vous savez que il n'y aura pas de fin du monde avant que les musulmans ne fassent la guerre sainte aux juifs. Naam. Fadlan, inshallah, prochaine souhait. En ce qui concerne ce que vous avez dit sur quiconque ressemble à un peuple, on fait partie. Est-ce que le fait d'acheter un maillot de l'équipe de France et qu'une personne le porte sans avoir l'intention de les supporter, est-ce qu'il rentre dans cette catégorie de personnes? Est-ce que le fait de suivre les matchs est illicite? Bon. Est-ce que le fait d'acheter un maillot de l'équipe de France et qu'une personne le porte sans avoir l'intention de le supporter. Est-ce qu'il rentre dans cette catégorie de personnes? Est-ce que le fait sur les matchs est illicite? Chauffe, quand on achète un maillot d'équipe de France pour acheter quelque chose, ça veut dire que on veut cette chose. Moi, je ne vais pas acheter du poison. J'achète du poison, c'est que je veux mourir. Je suis pas fou. Quand j'achète quelque chose, ça veut dire que cette chose a influencé, m'a influencé. Cette chose, je la veux. Cette chose, je l'aime. Cette chose, je voudrais l'avoir. Non. En ce sens, il n'est pas permis d'acheter. En ce sens, il n'est pas permis d'acheter. Pourquoi? Parce que en achetant une chose pareille, ça veut dire que yani, tu aimes cette chose, et ça veut dire aussi que tu encourages. Ça veut dire que tu encourages. C'est pour ça que je vais en même temps parler de est-ce que voir les matchs c'est licite ou c'est illicite. Aussi, quand on voit, par exemple, quand on supporte un match, on voit un match, on supporte. Supposons qu'on supporte, par exemple, l'Angleterre ou la je ne sais pas qui. Ça rentre dans quoi, disent les ulama? Ça rentre dans, tu supportes des koufars. Ce sont qui est en train de jouer? Ce sont des koufars. La plupart du temps, quand on voit les matchs d'Europe, on voit les koufars. Les koufars, ça veut dire que, yani, tu voudrais qu'ils triomphent. Tu voudrais que, yani, ça te fait plaisir qu'ils marquent. Ça te fait kada. Yani, le kafir, que normalement on n'aime pas, on n'aime pas un kafir, vous savez ça. Le kafir, je lui vends, il me vend, on se parle, mais dans mon cœur, j'aime pas le kafir. Mais toi, il est possible que le kafir, tu penches vers lui jusqu'à l'aimer. D'ailleurs, s'il tombe ou là, tu regrettes, tu as du chagrin. Si on le frappe dans un match, tu as du chagrin pour lui. Et s'il marque ou là, ça te fait plaisir. Si tu le trouves, si tu es au statut, tu le trouves, tu voudrais l'enlacer. Tu l'embrasses aussi, tu l'embrasses. Et tu lui dis même barakallahu fik. Barakallahu fik, tu as marqué le but, barakallahu fik. En ce sens, les ulama ont dit, ça devient un peu grave. En ce sens, ça devient un peu grave. À la rigueur, si on avait vu le match avec froideur, ça veut dire, ça ne dit rien. Et si tu sens cette chose dans le cœur, tu voudrais que ce kafir, ça soit lui, yani, qui marque, ceci, cela, ça devient un peu, et ça rentre un peu dans le cliché. Et c'est les ulama qui ont dit ça, bien sûr, c'est pas moi. Ça, je vous dis seulement ce que j'ai lu ou ce que j'ai entendu. Naam. Et pour le maillot, etc., aussi, on ne l'achète pas. Naam. On ne l'achète pas pour ne pas encourager, pour ne pas rentrer dans, ni de loin ni de près. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Entraidez-vous dans les birri, les bonnes actions et la piété. Et ne vous entraidez pas à l'ithm ou l'udwan. Voilà, ta'awanu ala al-ithm ou l'udwan. Dans l'ithm, les péchés et la transgression. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tafadda, inshallah, prochain sourate. Une sœur demande qu'en est-il du fait de porter une bague en argent où on a fait des prières dessus. Qu'est-ce que ça veut dire on a fait des prières dessus? J'ai pas compris. Tout talisman est à rejeter. Que des talismans qui sont chez moi, les brûler ou les jeter. Non, mais j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire une bague en argent où on a fait des prières dessus. Ça, je n'ai pas compris. Comment que peut-on faire des prières sur la bague? Des prières, des douas ou là, c'est quoi ça? J'ai pas compris. Ensuite, que faire des talismans qui sont chez moi? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord les talismans? Est-ce qu'elle a compris qu'est-ce que ça veut dire? D'où elle les a eus, etc. Naam, demande des précisions. Le temps qu'elle réponde, Inch'Allah, vous posez une autre question. Elle répond aussi quand elle a dit que faire des talismans qui sont chez moi. Tu lui demandes d'où les a-t-elle eu? Les personnes ont fait des invocations sur la bague. Ça n'a rien à voir leur invocation. Leur invocation n'a rien à voir avec la bague. Naam. La bague, si elle est en argent, elle est halal pour l'homme et pour la femme. Et le fait qu'ils aient fait des invocations sur elle, ça n'a rien à voir bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et que faire des talismans qui sont chez moi? il faut me faire comprendre qu'est-ce qu'elle entend par talisman, Ali. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle a à la maison? Est-ce qu'elle a par exemple le fer de cheval, etc.? Est-ce qu'elle a ces choses-là par exemple? Posez une question le temps qu'elle donne des précisions, Inch'Allah. J'ai une question. Doit-on égorger au-dessous ou au-dessus de la boule? On dédame du montant. La pomme indique, la boule indique, tu la fais monter. Hein, tu la fais monter et tu égorges en dessous. En dessous. Elle devient au-dessus et le couteau est au-dessous d'elle. Premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas très important. Ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est quoi? C'est de couper l'artère qui se trouve à l'intérieur et il y a du sang qui coule. Naam, c'est ça l'essentiel. Maintenant que tu fasses monter la boule ou la fasses descendre, ce n'est pas très important. On la fait monter pour que ça soit plus facile. Que ça soit plus facile à égorger. Mais ce n'est pas une condition nécessaire en islam. C'est seulement pour que ça soit plus facile. C'est pour ça que, par exemple, si je prenais la tête du mouton et yani, j'égorgeais avec le mouton, avec le couteau, de façon à lui couper la tête, c'est permis. Même si je lui coupe la tête complètement, il n'a plus la tête, c'est permis. Non, parce que l'essentiel, c'est de couper avec l'artère qui se trouve à l'intérieur. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas, dans un hadith sahih, dont il dit par Cheikh Al-Albani, quelqu'un lui a dit, j'ai égorgé une poule, je lui ai enlevé la tête. Il a dit, yani, zakat un sari'a, quelque chose dans ce sens. Il a dit, yani, que c'était permis. Tu as fait quelque chose de rapide, mais c'est permis. L'essentiel, c'est quoi? C'est le sang qui a coulé, bi'idnillah azza wa jal. Fadlan, inshallah, prochain soual. Qui est des problèmes de connexion pour ceux qui m'ont envoyé des questions. Naam. L'esclavage dans l'islam existe-t-il aujourd'hui? Dans quel pays pourrais-je faire l'achat d'un esclave pour me faire pardonner mes péchés en les libérant? Combien ça coûte un esclave? Non. L'esclave, de nos jours, il n'existe pas. Mais il va revenir le temps de l'esclave. L'esclave marche avec le djihad. L'esclave marche avec le djihad. Quand on fait le djihad, tous les gens qui ne sont pas morts, reviennent aux musulmans et deviennent leurs biens, deviennent des esclaves. Tous les gens qui ne sont pas morts dans la guerre, il y en a les kofars qui sont morts ou les se sont enfuis, il reste les autres. On a attrapé. Ils rentrent, il y en a dans quoi? Dans Moukl Yamin. Ils rentrent dans Moukl Yamin avec tous leurs biens. Les hommes, les femmes et tous. Maintenant, pour te faire pardonner tes péchés, il n'y a pas un esclave à libérer, mais tu fais le repentir entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu es sincère dans ton repentir. Si tu es sincère dans ton repentir, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Et n'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à une femme qui faisait la zina comme quoi? Comme fonction. C'est ça sa fonction, son travail. Elle se vendait avec de l'argent. Du matin au soir, c'est son travail. Et elle a donné à boire à un chien seulement. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Elle a donné à un chien. Alors qu'en est-il pour celui qui fait le vrai repentir, le repentir sincère, et qui pleure, et qui ceci, et qui cela? Inch'Allah ta'ala, celui-là, il n'a pas peur, bi'inna subhanahu wa ta'ala. Mais a peur celui qui ne fait pas le repentir et meurt. Celui-là qui a peur et aura peur le jour du jugement dernier. Donc toi, tu fais un repentir sincère et tu fais, Inch'Allah, quelques bonnes actions. Ou bien tu fais la prière la nuit, ou bien tu jeûnes, par exemple, lundi et jeudi, ou bien, par exemple, tu donnes une partie d'argent. Voilà, par exemple, tu veux affranchir un esclave, l'argent, donc, prends un peu d'argent et donne-le aux pauvres, ou là, donne-le à une mosquée, pour qu'ils construisent la mosquée ou la donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera bi'idna azza wa jal. Fadla, Inch'Allah, prochain soir. Bon, la sœur n'a pas répondu, je dirais, quiconque a les talismans Hado dans la maison, il doit s'en débarrasser. Mais il doit s'en débarrasser de façon à ce que il ne tombe pas, il ne fait pas tomber dans d'autres mains. C'est pas, il les met dans un sachet, ensuite il les pose devant la poubelle. Puis il y a quelqu'un qui va prendre le sachet et il va les mettre dans sa maison. Non. Il faut qu'ils s'en débarrassent, ou bien en les cassant, ou bien en leur changeant leur forme. S'ils changent la forme de la chose, elle ne devient plus un talisman, bien sûr. Mais c'est pas, ils les jettent comme ça, ensuite les gens vont les prendre. Ils doivent s'en débarrasser d'une façon, c'est-à-dire à les transformer ou à les jeter, par exemple, dans la mer. Dans la mer où personne ne peut les prendre. Non. Prochain sou'al, Inch'Allah. Une maman met un Coran sous l'oreiller de son enfant pour le protéger. Est-ce du shirk? Ce n'est pas du shirk. Ce n'est pas du shirk. Mais ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. Car le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre pour qu'on le médite et qu'on l'applique. Et non pas pour qu'on le mette sous l'oreiller, ni on l'accroche sur les murs, ni pour le lire pour les morts. Et tout on dira, maintien à Hayyan, pour guider, etc. Celui qui est vivant, c'est pas le mort. Le Coran était descendu pour le vivant et non pas pour le mort. Le Coran, certes, est un médicament, il soigne le Coran. Mais comment qu'il soigne? Il le soigne surtout des maladies comme l'envie, comme le hasad, comme ces choses-là, le Coran les soigne. Il soigne aussi quand des fois on prend un verre d'eau, on crache un peu à l'intérieur et on lit un peu de Coran et on le boit. Ça aussi c'est possible. Mais le mettre sous l'oreiller de son enfant, ou là on le met nous sous notre oreiller, ce n'est pas de la sunna. Et ça rentre aussi dans la bid'a. Ça rentre aussi dans la bid'a, car il a été employé à une fin qui n'a pas été citée ni dans le Coran ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait cela. Bien sûr, il n'y avait pas le livre en son temps. Il n'a jamais fait cela. Il avait des feuilles de Coran en son temps. Les gens écrivaient le Coran sur des feuilles, mais il n'a jamais fait cela, ni des compagnons ont fait cela. Et nous, on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec sa religion. On ne l'adore pas avec ce qu'on pense nous, ce qu'on invente nous, ou là avec nos innovations. La na'bud illallah, ou la na'bud illa bishara'i. On n'adore que Allah subhanahu wa ta'ala. On ne l'adore qu'avec sa religion. C'est pas avec nos têtes qu'on l'adore. Naam. Donc, Inch'Allah ta'ala, il n'est pas conseillé de faire cette chose. Ce n'est pas conseillé de faire cette chose, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Fadlan, Inch'Allah, prochain sou'al. Il est conseillé, par exemple, de faire des invocations au bébé. Bismillah, arqiq, wa yishfiq, min kulli da'in yu'dhik, wa min. C'est comme ça. Il lui fait des invocations comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Hassan ou al-Hussein. Il leur faisait comme ça la ruqya, il leur disait des du'as comme ça, il leur disait. Naam. Voilà ce que tu veux faire, yani, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alaykum salam wa rahmatullah. Un cheikh Azhari dit que, sachant que dans les pays de Kufr, c'est seulement les musulmans qui financent les mosquées. Il dit que c'est permis de donner la zakat pour la mosquée en la faisant rentrer dans la catégorie catégorie de fils Abidlah. Est-ce correct? Cela vous préserve. Je relis. Un cheikh Azhari dit, sachant que dans les pays de Kufr, c'est seulement les musulmans qui financent ces mosquées. Il dit que c'est permis de donner la zakat pour la mosquée en la faisant rentrer dans la catégorie fils Abidlah. Est-ce correct? Cela vous préserve. J'ai compris ce que veut dire le cheikh. La réponse, bi'idna subhanahu wa ta'ala, naam. Allah subhanahu wa ta'ala savait que certains allaient vivre dans des pays de Kufr et que ces certains aller aussi construire des mosquées. Et qu'ils avaient besoin, ils auraient besoin d'argent. Mais malgré cela, il n'a pas fait d'exception dans le Coran. Il n'a pas fait d'exception dans le Coran. C'est pour ça que il vaudrait mieux, on est obligé de laisser le verset, yani dans son explication, comme l'ont expliqué les salafs salah radiallahu ta'ala anhum, l'âme, et de ne pas faire rentrer quelque chose que eux ils n'ont pas fait. C'est pour ça que maintenant quelqu'un me dit et la mosquée, comment qu'elle va faire ici? Je lui ai dit, la mosquée, si tu veux, pense à elle plus que tu ne penses qu'à ta maison. Et donne de l'argent à la mosquée. Le musulman, le vrai musulman, quand il voit la mosquée comme ça, yani, qui a besoin d'être bâtie, c'est pas la peine qu'il aille prendre la zakat qui doit être donnée aux gens, il la met dans la mosquée. Non? Il donne la zakat aux gens que Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans le Coran, et de son propre argent, il donne pour la mosquée. Naam. Comme j'aime ma maison, j'aime qu'elle soit bien peinte, j'aime que j'ai yani, tout ce qu'il faut à la maison, aussi je dois aimer la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala et de penser à elle et de la bâtir et de lui donner un peu de mon argent. Naam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parmi les sept qu'Allah Azza wa Jal mettra dans son nombre le jour où il n'y aura que son nombre, qu'est-ce qu'il a dit? Rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid ou bil masajid aussi. Certains ulama ont dit Rajulun, un homme ou une femme, la même chose, dont le cœur est attaché à la mosquée, mu'allaq bil masajid, ça veut dire il ne pense qu'à la mosquée, ou bien pour faire la prière, ou bien pour la construire et pour lui acheter ce qu'il faut, etc. Donc inshallah ta'ala, on ne peut pas faire rentrer la chose, on ne peut pas faire rentrer la mosquée dans la zakat, car aussi, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas d'argent et il voulait construire des mosquées et il n'a jamais demandé à quelqu'un de lui donner la zakat pour construire la mosquée. Naam, sallallahu alayhi wa sallam. Tfadl, inshallah. Et une sœur demande, salam alaikum, wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Est-il permis de jeter les chapelets qu'on trouve dans une mosquée? Il n'est pas permis de jeter les chapelets qu'on trouve dans une mosquée, mais celui qui est responsable de la mosquée a le droit. L'imam, l'imam a le droit de ne pas accepter les chapelets à dos et de les jeter s'il sait qu'il ne va pas faire une fitna. Imagine, il y a quelqu'un qui a amené un chapelet, je ne sais pas d'où, il l'a amené de l'Arabie Saoudite, il l'a acheté, il est content, il est heureux, il veut un ajr, entre parenthèses, il le ramène, il le donne à la mosquée, ensuite il voit l'imam ou là une personne ou là en train de le jeter. Imaginez la fitna que ça va faire. Imaginez, surtout si c'est l'imam, c'est plus ou moins. L'imam il dit, cette mosquée, je suis responsable, je veux pas ces choses dans ma mosquée. C'est plus ou moins. Mais imaginez un moussallé, quelqu'un qui fait la prière normale, il jette le chapelet, il risque de faire une grande fitna. Naam. Mais l'imam, c'est de son ressort. L'imam, c'est de son ressort. Il ne laisse pas les choses qui sont interdites dans sa mosquée. Celui-là, c'est de son ressort. Et de préférence, bien sûr, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il faisait une chose et que les gens ne comprenaient pas, il montrait pourquoi il a fait la chose. Comme dans le hadith Bukhari, une fois, il a fait la prière, il a guidé les gens, sur, subhanallah al-alim, sur le minbar. Il est monté sur le minbar et il a guidé les gens. Et quand il venait, faisait le sujoud, il descendait, bien sûr. Ça avait seulement deux ou trois marches. Il descendait, il fait le sujoud et il montait. Quand il a terminé, qu'est-ce qu'il a dit? Innama fa'altu dhalik li yu'lama salati. Il a dit, j'ai fait cela pour que les gens voit comment je fais la prière. Car quand il l'a fait sur le minbar, il est en haut, tout le monde peut le voir. C'est pas comme lorsqu'il est au premier rang, ceux qui sont derrière, ils ne voient pas comment qu'il s'incline, comment qu'il se prosterne. Donc, s'il n'avait pas dit pourquoi, les gens seraient étonnés. Pourquoi il est monté sur le minbar? Mais il a montré là, quoi, c'est pour que vous sachiez comment je fais la prière. Quant à les gens, tu leur dis voilà ce que je vais faire, les chapelets c'est ceci, cela, les ulama ont dit ceci, cela, il vaut mieux qu'on les éloigne, etc. C'est mieux que de jeter comme ça des choses, ensuite ils rentrent dans la fitna. Et pour le jeûne de Arafat, doit-on le précéder puisque ça tombe un vendredi? Naam, le mieux c'est de faire le jeudi, vendredi. Pour Arafat, c'est tombé vendredi, et vous savez que Arafat, ça enlève deux années de péché. Masha'Allah. Ça enlève deux années de péché. Masha'Allah. Donc, de préférence, on fait jeudi, vendredi. Car il y a un hadith qui dit que ne jeûnez pas le vendredi seul. Yani la tahtassuh bisriyam. Naam. Le vendredi, de préférence, on ne le jeûne pas seul. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, dans un cas pareil comme Arafat, il a dit tu peux le jeûner seul. Parce que tu ne veux pas jeûner vendredi, mais tu veux jeûner Arafat. Et c'est tombé vendredi, c'est pas de ta faute. Il a dit tu peux le jeûner seul. Mais moi je dis, pour sortir des divergences, tu fais de préférence jeudi et vendredi. Pour celui qui peut. Celui qui peut pas, il fait seulement le vendredi. Et là je dis spécialement aux sœurs et aux femmes qui il est possible qu'elles aient un empêchement de maladie, un maladie qui vient une fois par mois, et qu'elles ne soient pas aptes à faire le siyam le vendredi, je lui dis, si tu as dans l'intention. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, ikhdar lak barakallahu fik. Assalamu alaykoum wa barakallahu fik. Ikhdar lak barakallahu fik. Assalamu alaykoum. Assalamu alaykoum. Vous dites ça? Quel saut? Cheikh, bonjour, barakallahu fik. Cheikh, d'avoir un problème de connexion, inshallah, patientez, barakallahu fik. Pour les personnes qui, pour les sœurs qui n'arrivent pas à poser leurs questions aux sœurs, parce que ça doit avoir trop de PV, parce que ça prend 25 PV maximum, à une patiente qu'elle pose des questions et qu'elle ferme des fenêtres, comme ça vous pouvez poser vos questions pour la collation. Et pour ceux qui lèvent la main, inchallah, pour la collation, baissez vos mains, ça sert à rien, mais posez vos questions. Hein. Si vous êtes une sœur, posez-la aux sœurs qui n'ont pas de temps. Si vous êtes un frère, posez leur frère qui m'a donné le barakallahu fikoum. Salam alaikum wa rahmatullah. Je me suis déconnecté. Est-ce que fait saut. Taïb, Ibrahim, est-ce que... Je ne sais pas où ça s'est coupé. Je parlais de la femme qui avait un empêchement qui concerne le siyam. Est-ce que vous avez écouté ça ou l'ai-je dit? Naam. Mais on en y a, voilà. Jazakallahu khayran, ukht salafiya. Naam. Donc celle qui a la niya dans le cœur, l'intention, alhamdoulilah. Naam. Prochain sou'al, inshallah, tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Makhiratuh. Un frère est policier en France. Il doute si son travail est halal ou non. Pouvez-vous le conseiller? Barakallahu fikum. Un frère est policier en France. Il doute si son travail est halal ou non. Pouvez-vous le conseiller? Barakallahu fikum. Naam. En principe, une question pareille, on doit la poser à un alim. Une question pareille, on doit la poser à un alim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé en général. Il parlait même des gouverneurs, yani qui étaient musulmans. Et il savait qu'il allait y avoir certains qui seraient injustes, etc. Il a dit, la takun indahum shurtiyan. Il a dit, ne sois pas chez eux un policier, ni celui qui travaille, yani le ujbi zakat, même celui qui va faire venir la zakat, etc. Celui-là, en parlant, bien sûr, d'un gouvernement où c'est musulman. Il a dit, ne sois pas un policier chez eux. Les ulama ont dit, il est possible de nos jours de rentrer policier dans un pays musulman avec la niya, l'intention de quoi? d'enlever le mal, non, tu rentres, c'est pas avec l'intention de prendre l'argent des gens, l'intention d'être injuste, injustice, non, il se dit je rentre avec l'intention de, par exemple, de prendre les drogués, de prendre ceux qui boivent le vin, de ceci, cela. Ils disent, si tu rentres avec cette niya, Inch'Allah, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le chisba. Cheikh Abdel Malik Ramadan a dit que c'est à déconseiller dans tous les pays, sauf pour ceux qui appliquent la sharia. Non, mais pour quelqu'un qui rentre dans un gouvernement de kof, et il fait ceci, vraiment cette question elle doit être posée à un grand alim. Quoique, entre parenthèses, je suis à 90% bien sûr que la réponse sera négative, Inch'Allah, à 90%, mais il vaudrait mieux, Inch'Allah ta'ala, demander aux ulama, ils voient des choses qu'on ne voit pas, ils savent des choses qu'on ne sait pas, et ils voient des choses, comme j'ai dit, qu'on ne voit pas. Quand on travaille avec un gouvernement qui n'est pas musulman, il va me pousser à appliquer des lois qui ne sont pas musulmanes. Il va me pousser, par exemple, à appliquer des lois qui ne sont pas musulmanes. C'est un peu, en ce sens, que c'est un peu difficile. Inch'Allah ta'ala, on posera la question à Adam, Inch'Allah, et on te rendra bien, subhanahu wa ta'ala, la réponse. De toute façon, si tu trouves autre chose, toi que Allah, tu trouves un autre travail, toi que Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlan, inshallah. J'ai ma soeur qui est mariée et a deux enfants. Son mari a commis l'adultère. Donc elle a demandé le divorce. Elle voudrait savoir si elle a bien fait. Sinon, que doit-elle faire? Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Son mari qui a fait l'adultère, ou bien c'est quelqu'un qui s'est repenti, ou c'est quelqu'un qui dit je ne me repentis pas et je ferai encore. Si c'est le deuxième cas, qui ne s'est pas repenti et qui veut faire encore ces choses-là, il vaut mieux qu'elle demande de lui la séparation. Car en règle générale, quand quelqu'un commet le grand péché, l'homme ou la femme, et ensuite il n'y a pas le repentir, il n'y a pas des signes qui montrent qu'il a regretté, et il récidive, il fait encore, de préférence on se sépare de lui, non, pour les grands péchés. Mais si c'est le premier cas, il a fait le repentir et il regrette, on doit bi'idna subhanahu wa ta'ala accepter cela et lui pardonner, et yani penser au maximum à l'union, car c'est le shaitan qui aime la désunion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu son affaire que les hypocrites ont fait, quand ils ont dit que sa femme Aïcha radiallahu ta'ala anha a fait la zina ma'ad Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les a démentis, et quiconque dit jusqu'à présent qu'elle a fait la zina c'est un kafir, car le Coran a dit elle n'a pas fait, et si tu dis elle a fait, ça veut dire que tu dis au Coran que c'est pas vrai. Il dit à Allah, je connais mieux que toi. Naam, je connais mieux que toi, elle a fait. Allah Ta'ala, elle a ya'lamu man khalaq. Wa wa latif al-khabir. Allah Ta'ala te dit, non, elle n'a pas fait. C'est moi qui l'ai créé, je la connais mieux que toi. Elle est plus propre que toi. Al-Muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? In kunti al-mamti bi dhanbin, fa astaghfirullah wa tubu ilayh. Si tu as fait cette chose, yani, et le repentir, et alhamdoulilah ça s'arrête là. Donc si quelqu'un fait cette chose, qu'il fasse le repentir, Inch'Allah ta'ala on lui excuse, et tous les gens font des fautes, et les meilleurs ce sont ceux qui font le repentir, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour gagner à cause de l'union, à cause des enfants. Mais si c'est quelqu'un qui dit non, là moi je fais cela et je m'en fous et j'en ferai, et je n'ai peur de personne, etc., il vaut mieux qu'elle demande la séparation bi'idnillahi subhanahu azza wa jal. Naam, s'il ne veut pas, elle peut faire le khula en lui rendant la dot bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Fadlan, inshallah, prochain sourate. pourriez-vous réexpliquer sur la diminution de la salat lorsqu'on regarde à droite et à gauche? Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand quelqu'un regarde à droite et à gauche, c'est le shaitan qui t'a volé ta salat. À chaque fois que tu regardes à droite ou à gauche, sans excuse valable, c'est le shaitan qui t'a volé de la salat. Mais on peut regarder avec une excuse. Comme c'est dans le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revenait de la guerre et il a mis quelqu'un en face de lui. Il lui a dit, tu surveilles ce sentier. On ne sait jamais, on va faire la salat, les kuffars, elles nous surprennent de ce côté. On a mis quelqu'un sur le shi'ab, un peu haut, en train de surveiller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière et de temps en temps, il jetait un coup d'œil sur cet homme pour voir quoi, parce que on ne sait jamais, il va lui faire un geste, les kuffars sont arrivés ou là, au moins qu'il sache. Donc ici, il regardait un peu à droite, mais à cause d'une excuse valable. C'est à peu près quand je fais la prière et que je sens que le bébé est un peu à droite et j'ai peur qu'il se dirige vers le balcon. Je regarde quand il est un peu à droite, c'est fermé. Pourquoi? Parce que je l'ai fait, j'ai une excuse à cause de quelque chose de valable. Mais quand on regarde à droite et à gauche sans raison, hein, comme ça, sans raison, moi j'ai vu quelqu'un qui est en plein salat, il regarde quelle heure est-il. Non, en plein salat, il lève sa main, il regarde là. Est-ce qu'il est 10h, est-ce qu'il est 4h, quelle heure est-il? La hawla wa la quwwata illa billah. Celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le shaitan qui est en train de te prendre de sa salat. Tu veux regarde, et c'est ta salat qui diminue. Donc, voilà le sens du hadith. On ne regarde pas ni à droite ni à gauche, on regarde à l'endroit où on va se prosterner. On reste concentré pour que la salat, inshallah ta'ala, pour que sa valeur soit grande. Tu regardes à droite, à gauche, tu commences à diminuer ta salat. Au lieu d'avoir par exemple 100 hasanah, tu vas avoir 70, 60, 50, 40 et ça descend. Naam, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faddam, inshallah, prochain. Une sœur dit, salamu alaykum wa yashifuna, alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que c'est correct de dire je suis un salafi? N'est-ce pas une source de fitna? Et pouvez-vous nous parler du sitar? Car il y a beaucoup de divergences et nous ne savons pas quoi faire. Barakallahu fikum. Allah et hafza. Hafizan Allah wa yakum jami'an. En ce qui concerne je suis un salafi, des fois on l'a dit, des fois on ne l'a dit pas. Des fois on le dit, des fois on ne le dit pas. On ne le dit pas quand je ne suis pas obligé de le dire. Je ne suis pas obligé de le dire. Non, car être salafi, c'est suivre le minhaj, c'est pas seulement le dire. Et combien de gens le disent et ne le sont pas? Et combien de gens sont salafi et ne l'ont pas dit? Non. Mais quand je suis où il faut que je le dise, je le dis. Quand je suis avec des gens qui veulent me dire que le vrai minhaj, c'est d'être un frère musulman, lorsqu'il me dit non, il faut être tibliq, il me dit non, il faut être chiite, à cela je leur dis, vous vous trompez beaucoup, il faut être salafi ou alors on est en train de perdre son temps. Je suis salafi, il faut être salafi. Non, pourquoi? Parce que là je suis dans un endroit où il faut parler, il faut montrer. Mais s'il n'y a pas de raison, comme ça yani, je commence à j'écris une étiquette sur ma poitrine, je suis salafi. Quiconque je le trouve, salamu alaykoum, je suis salafi. Tu en chez le boulanger, donne-moi un pain, je suis salafi. Donne-moi un café, je suis salafi. Je monte dans le bus, je suis salafi. Ça, c'est pas de la salafia. Ça n'a rien à voir avec la salafia. Salafi, c'est pour, comme j'ai dit, pour montrer c'est quoi la salafia, pour montrer le minhaj, pour, ce n'est pas pour se vanter. Ce n'est pas pour se vanter. Car la salafia, c'est le minhaj, c'est quelque chose. C'est la aqida sahiha qui est dans le cœur. Et ça se montre, ça se voit dans mon comportement. D'ailleurs, un salafi, ça se voit seulement dans son comportement. Tu vois seulement la façon dont il est habillé, la façon dont il se comporte, la façon dont tu dis celui-là, c'est masha'Allah. Celui-là, c'est un salafi, naam. Mais le vrai salafi, a pas le faux. Les faux, il y en a beaucoup, hein. Les faux, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Naam. En ce qui concerne le sitar, en ce qui concerne le sika, ceux qui ont dit, les ulama qui ont dit, ce n'est pas obligatoire, comme Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, qui a dit ce n'est pas obligé de cacher le visage, mais il a dit, si la femme est belle et attirante, elle doit cacher son visage. Elle est mustahab. Il a dit, elle cache son visage. Et surtout si c'est dans un pays où c'est plein de fitna. Si elle peut cacher son visage, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Sinon, bien sûr, tous les autres ulama ont dit, c'est obligé. Comme Cheikh Ibn Uthaymeen, Belbel, Cheikh Fouzan, Al-Cheikh, tous ceux-là ont dit, il est obligé qu'elle cache son visage. Il est obligé, c'est-à-dire si elle ne le fait pas, elle a des ithm, elle a des péchés. Mais Cheikh Al-Albani a donné beaucoup de preuves que c'était seulement conseillé, mustahab. Mais il a dit, à condition que la femme ne soit pas belle. Si elle est belle, il est obligé qu'elle cache ou ne pas faire de fitna. Alors qu'en est-il aussi quand on est dans un pays de kufr et de... Il est conseillé, inshallah ta'ala, au moins il est conseillé pour la femme, celle qui peut, de cacher son visage, surtout que si elle est mariée. Si elle est mariée, ça devient encore plus conseillé. Car, en fin de compte, moi, pourquoi je montre mon visage et à qui je le montre? Moi, je voudrais être belle pour mon mari. Il me suffit, c'est pas la peine que je montre aux autres mon visage. Et ce qui est très malheureux, c'est que certaines femmes, quand elles sont avec leur mari, elles sont foutues. Elles mettent n'importe quel habit, elles se coiffent pas, elles s'embellissent pas, elles mettent aucun parfum. Mais si elles veulent sortir dans la rue, si elles veulent sortir, la hawla wa la quwwata illa billah, elles mettent le plus bel habit, elles se parfument, elles se coiffent bien, elles sortent. La hawla wa la quwwata illa billah. Yani, ça s'est renversé. Ce qu'elle devait faire pour son mari, quand elle est avec lui, elle est négligente. Et ce qu'elle ne doit pas faire dans la rue, elle doit être bien cachée, ne pas faire de parfum, etc. Elle le fait. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Prochain soual, tfadal, il reste 5 minutes. Prochain soual, inshallah. Est-il permis de ne pas faire Jumu'ah si on n'entend pas l'adhan? J'avais dit que le adhan, pour une salat normale, avant de parler de la Jumu'ah, je parle de salat normale. Pour une salat normale, l'essentiel, c'est pas l'entendre ou ne pas l'entendre. L'essentiel, c'est est-ce que s'il avait fait l'adhan, je l'aurais entendu. Est-ce que, par exemple, quelqu'un en France va me dire, moi j'ai pas l'adhan. Je lui dis d'accord. Mais est-ce que, s'il était monté sur le toit, et il avait une voix, un gosier fort, et il n'y avait pas eu d'immeuble, il n'y a pas d'immeuble. Et, il y a seulement yani des arbres, comme ça, dans un Sahara. Et, s'il avait fait l'adhan, il n'y a pas de vent. Est-ce que tu l'aurais entendu ou pas? Si tu l'aurais entendu, tu l'avais fait, tu l'aurais entendu, tu dois partir à la mosquée. Mais s'il l'avait fait avec un fort gosier comme ça, une forte voix, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de voiture, on n'entend pas de bruit, et malgré cela je ne l'aurais pas entendu, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'aller à la mosquée. Ça c'est pour la salat normale. Pour la salat Jumu'ah, elle est un peu plus yani demandée. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il est dans le sahih al-Targhib al-Tarhib de Cheikh al-Albani, et aussi je crois dans sahih al-Jama', que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, il a dit j'espère que, ou là il est possible que yani vous preniez vos moutons, etc., et vous alliez à Mail ou bien Mailain. Il a dit Mail, Mil ou la Mailain. Mil en mètres, ça donne 1 km 748 à peu près. C'est presque 2 km. Le professeur Hassan m'a dit attention, vous allez prendre vos moutons et ça, vous allez sortir à 1 km 700 ou bien 2000, c'est-à-dire 3 km et quelques. Ensuite, vous n'allez pas assister à la Jumu'ah, ensuite vous n'allez pas assister à la deuxième Jumu'ah, ensuite vous n'assistez pas à la troisième Jumu'ah, et Allah subhanahu wa ta'ala fera yani khatm fera un tampon sur votre cœur, un tampon, et vous serez yani comme des munafiqin ou la yadu billah. Naam, la jumu'a elle est un peu beaucoup plus demandée que la salat normale, que la salat normale. Ça veut dire, et s'il pleut ou bien s'il neige, si la mosquée n'est pas loin, si la mosquée n'est pas loin et qu'on a la voiture, etc., pour les autres prières, on peut ne pas aller à la mosquée. Pour les autres prières, les prières normales, s'il pleut ou là il neige ou là, on n'est pas obligé d'aller à la mosquée. Non, même si on a une voiture, on n'est pas obligé. Mais pour la prière du vendredi, si Annie n'est pas loin, premièrement, et si deuxièmement, ce n'est pas beaucoup de neige, et de façon à ce que si je sors, c'est difficile, et je vais revenir comme une poule, tout mouillée, etc. Et on essaie, Inch'Allah Ta'ala, de la faire. Pourquoi? Parce que c'est seulement une fois par semaine. Et se fatiguer une fois par semaine, Inch'Allah Ta'ala, fi sabilillah. Non. Mais si on a des excuses, on peut ne pas la faire. Non. Si on a des excuses, un vent très fort, beaucoup de pluie, etc., et surtout que c'est loin, Inch'Allah Ta'ala, c'est une excuse. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadal, Inch'Allah, prochaine question. Que conseillez-vous à un couple à qui on a fait de la sorcellerie dans le but de les séparer et que le mari a été atteint? Comment doit réagir sa femme envers lui jusqu'à ce qu'il fasse l'oria, car elle a peur de perdre patience, car elle a peur pour sa foi et pour elle-même? Naam. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, yufarriquna bayna al-mar'i wa zawjihi. Naam, yufarriquna bayna al-mar'i wa zawjihi. Il n'y a pas quelque chose de grave comme la sorcellerie ou l'ayadu billah. Naam, il n'y a pas quelque chose de grave en islam comme la sorcellerie. C'est pour ça que le sorcier, il doit être tué. Le sorcier, celui qui est avec les djinns, etc., celui-là, l'ayadu billah, il doit être tué. Et certains ont dit même, il rentre dans le coffre. Pour l'ayadu billah. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'on conseille à quelqu'un à qui on a fait de la sorcellerie? Bien sûr, on lui conseille qu'il doit quoi? Il doit faire de la ruqya. Il doit essayer de faire la ruqya, car la sorcellerie, c'est en fin de compte, c'est quoi? C'est une sorte de poison. Non, on devient comme empoisonné. Non, on doit faire sortir le poison qu'on a dans le corps. Des fois, on nous a fait manger ce poison par l'intermédiaire d'une autre personne, et des fois par l'intermédiaire d'un djinn. On donne le sorcier donne au djinn le sihr, il lui dit tu le donnes à X, tu le lui fais manger. Des fois même le djinn, quand il ramène le sihr, des fois quand il sait qu'il ne peut pas te le faire manger comme ça, il te le fait manger quand tu dors. Non, des fois en train de dormir, tu sens que tu veux avaler quelque chose, ou bien tu sens que ta bouche a avalé quelque chose. Tu te lèves, tu dis, on nous lève, tu craches. Non, même des fois, il profite de l'instant où tu dors. Et il te verse la chose dans la bouche. La hawla wa la quwwata illa billah. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, inna shaytan lakum aduun, fattakhidhu aduwa. Il a dit, le shaytan est pour vous un ennemi, prenez-le comme ennemi. Un vrai ennemi. Un grand ennemi. Même quand tu dors, il ne te laisse pas. Il essaye de te jeter la chose dans la bouche. Plusieurs personnes sentent. Il dit, subhanallah. C'est comme si je viens d'avaler quelque chose. Non, c'est lui qui te l'a jeté. Et des fois, il te le jette devant la porte ou là pour que tu traverses la chose. Et tu traverses sur elle parce qu'on est atteint de cette chose. Donc cette personne, on doit l'aider. La femme ne doit pas perdre patience. Elle doit aider son mari. Comme lui, si elle était atteinte, il doit l'aider, lui faire venir des gens qui lui font la ruqya, etc. Car il risque de, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a empoisonné. On lui a même fait le sihr. Et l'abid ibn Abdul al-Atam qui lui a fait le sihr. Jusqu'à ce que Jibril est descendu, il lui a montré comment qu'il enlève ce sihr. Et Aïcha, notre mère, radiallahu ta'ala anha, on lui a fait le sihr. Et elle est restée longtemps avec le sihr. jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré dans le rêve comment qu'elle devait enlever ce sihr. Et Naam lui a montré qu'il fallait qu'elle parte dans un ou deux ou trois puits et qu'elle ramène de l'eau de différents puits, elle se lave avec. Elle a fait ainsi, elle a été guérie, alhamdoulilah. Et notre mère Hafsa, radiallahu ta'ala, la fille de Omar, et notre mère, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une de ses épouses, a été ensorcelée par une esclave. Et quand elle l'a su, elle a tué son esclave. Elle l'a tué, naam, parce qu'elle lui a mis le sihr. Il n'y a pas quelque chose de grave comme le sihr ou l'ayadu billah. Beaucoup de gens se facilitent la chose. Hein. Pour la moindre des choses, elle va chez la sorcière, elle ramène du sihr. Pour la moindre des choses. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors que c'est l'un des plus grands péchés. L'un, c'est du les plus grands péchés. Naam, je conseille à cette femme d'aider son mari, d'être avec lui à ses pieds, de l'aider. Il est dans un problème, il est dans un grand problème même. Il faudrait qu'elle l'aide. Elle a, inshallah ta'ala, de grands ajr. Parce que elle est avec lui. Et pourquoi alors ils se sont mariés si, lorsqu'on lui fait quelque chose comme ça, ou là il tombe malade, elle n'a plus besoin de lui? Pourquoi je me suis marié avec ma femme, si maintenant demain je vais tomber malade, elle va me laisser seul. Débrouille-toi. Va à l'hôpital et. Pourquoi alors je me suis marié? Juste, je me suis marié pour être secondé. Pour que, quand j'ai des problèmes, je la trouve devant moi. Et elle, quand elle a des problèmes, je suis là devant elle. Sinon, à quoi ça sert de me marier? Moi, je ne suis pas marié seulement pour les plaisirs et les tentations. Je me suis marié pour sentir que j'ai mon deuxième, ma moitié qui est avec moi. Ma femme c'est ma moitié, moi je suis sa moitié. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Posez inshallah votre dernière question. Il est 1h du matin et 5 minutes. Posez inshallah la dernière question. Inshallah, et je vous donne rendez-vous inshallah ta'ala après demain. Salamu alaikum, ma question, j'ai des vêtements et jouets avec représentation. Vois-je des jetés ou puis-je les donner aux nécessiteux? Je voudrais savoir sur le hadith qui parle de ne pas souffler sur le liquide, le verre, ce qui comprend sur hadith pour la nourriture chaude. Naam. En ce qui concerne les représentations, qu'est-ce que ça veut dire les représentations? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire des images? Dites-moi si c'est ça. Est-ce que ça veut dire des images? Ah, des images de personnages. Naam. En islam, la règle, c'est que tout ce que il est interdit que tu mettes, toi, par exemple, il est interdit que tu les donnes à d'autres pour qu'ils les mettent. Ça, c'est la règle. Une chose que tu ne peux pas mettre, toi, comment tu vas la donner à un autre, même si c'est un nécessiteux? Comment tu la lui donnes pour qu'il la mette? Quand tu la mets pas, les autres aussi ne doivent pas la mettre. Quand on a des choses pareilles, on essaye de les déformer. Par exemple, la tête. La tête, on essaye de la peindre, par exemple. Tu mets un peu de peinture sur la tête, ensuite tu peux mettre la chose. Tu la mets en dessous. Et, par exemple, pourquoi la jeter? Je la mets en dessous, je mets quelque chose sur le visage, son visage, je la mets en dessous et je mets quelque chose sur elle. Quand je la mets en dessous, j'ai gagné un vêtement, il fait froid, etc. Je le trouve par en bas, mais la personne ou le personnage, j'essaie de mettre quelque chose sur lui ou là de le tacher, hein, avec la peinture, je le tache, ou là avec je couds quelque chose sur lui, hein, je vais coudre quelque chose sur le visage. Le visage seulement suffit, c'est pas la peine toute la personne, seulement le visage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innama sura ar-ras, il a dit c'est la tête qui est la photo. Ça veut dire quand tu as une photo où tu enlèves la tête, là ce n'est plus une photo. Donc c'est la tête qu'il faut déformer, ou là qu'il faut peindre, ou là qu'il faut découdre, ou là coudre quelque chose en dessous, ou bien en dessous. Naam. En ce qui concerne l'akhar, les jouets, c'est la même chose. Quand on a des jouets, c'est la tête. Si on enlève la tête, ou là on déforme la tête, ou là on couvre la tête, yani c'est la tête qui joue le rôle. Sinon, comme a dit le professeur, ça devient comme un arbre. Quand on enlève la tête, là, ce n'est plus un jouet. il a dit le sens du hadith qui dit ne pas souffler sur le liquide, le verre. Le verre, quand on ne souffle pas, le hadith dit que quand on boit, on doit souffler à l'extérieur. Parce que ce n'est pas bien de souffler à l'intérieur. Et puis surtout si on doit donner à autres, à des autres qui vont boire. Hein? Mon odeur, je vais la mettre à l'intérieur. Ce n'est pas bien. Je dois souffler à l'extérieur quand je bois d'un verre, surtout si c'est un verre de quelque chose de commun, que les autres gens vont boire après moi. Il se peut que j'ai une mauvaise odeur et pour ne pas influencer les autres. En ce qui concerne la nourriture chaude, le hadith de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, qui est sahih mawqoufan, il est dans Fath al-Bari, il est aussi je crois dans Sahih al-Jama', que Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu a dit que ne mangez pas de la chose qui est chaude jusqu'à ce que sa vapeur parte. Naam, hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, sahih mawqoufan. Il a dit ne mangez pas de la chose qui est chaude jusqu'à ce que, c'est-à-dire que la vapeur qui est en train de monter, jusqu'à ce qu'elle parte. Il n'y a plus de vapeur. Et ce hadith mawquf, il a choqué marrafa. Abu Huraira, quand il a dit une chose comme ça, sûrement il a entendu ou là il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ceci. Car il ne peut pas tirer une chose comme ça de sa tête. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a vu. Le hadith sahih dit quoi? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu comme ça un manger où il y avait de la vapeur chaude qui montait. Il a attendu jusqu'à ce que parte la vapeur. Quand elle est partie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit huwa a'zamu baraka. Il a dit maintenant qu'il n'y a plus de vapeur, il a dit maintenant la bénédiction est grande. Naam. Quand tu manges, quand il y a la chaleur et la vapeur qui monte, premièrement, il n'y a pas de bénédiction. Deuxièmement, tu te fais mal. Et troisièmement, tu sens pas que tu es en train de manger. Tu es en train de te torturer. Naam. Tu manges et tu jettes, tu manges et tu craches, tu manges. Premièrement, tu es en train de torturer. Deuxièmement, tu ne sens pas pourquoi je mange. Je mange pour sentir le plaisir de manger. Maintenant, je sens pas le plaisir. Ça me fait tellement mal aux lèvres, à ma langue, etc. Et troisièmement, il n'y a pas de bénédiction. Mais quand tu laisses s'évaporer d'abord, tu laisses se refroidir un peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit innahu a'zamu baraka, innahu a'zamu baraka. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne inshallah ta'ala rendez-vous pour mercredi inshallah ta'ala, au lieu de 20h ce sera inshallah ta'ala 19h30. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant.